est un fanfaron. Tes paroles m'ont rendu droit. Pas fier d'avoir eu un papa comme toi, j'aurais voulu encore être hier et ainsi profiter de toi. Maintenant je suis à ta place et je réussis ma mission. Je ne suis pas dans la menace comme tu vois, j'ai engagé la transmission. Quand j'ai le désamant en paron, tes paroles m'ont rendu droit. Non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. I'm not afraid. Bonsoir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Eureka, tous les vendredis à partir de 19h, ça fait déjà 11 ans qu'on fait cette émission. On a eu énormément de projets qui sont venus ici, de personnes qui sont venues défendre des projets, hein, on va dire ça comme ça, dans l'émission Eureka. Aujourd'hui, eh ben, nous avons un invité aussi. On a commencé cette émission avec Jimo, c'était notre invité il y a 15 jours exactement, avec un morceau qui était dédié à son papa, qui s'appelle « Fier de toi », c'était le petit blues en français qu'on a écouté en début d'émission à partir de 19h. Et à l'instant, c'était un nouveau projet. Pour l'instant, j'en ai pas encore parlé avec l'intéressé. Par contre, il est déjà venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour défendre d'autres projets. Il était venu avec le groupe Tomia pour la première fois. Il était venu à plusieurs reprises, un groupe qui malheureusement aujourd'hui a disparu, mais qui nous a laissé de très bons moments ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et de très bons enregistrements qu'on continue de diffuser, bien évidemment. Il est venu aussi avec un autre projet qui s'appelait The Patient. C'était en anglais. Cette fois-ci, j'ai découvert ça, hein. Pour l'instant on n'a pas encore discuté, ça serait bien qu'ils viennent aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous en parler, c'est Evo, donc nouveau projet, et vous avez pu le voir, c'est en français, et c'est super bien interprété, donc notre ami Alexis, puisque c'est lui qui interprète ce morceau-là, on vient d'écouter un superbe morceau qu'on avait déjà découvert la semaine dernière. On va écouter juste après le groupe Neutol, c'est le groupe que nous avions reçu la semaine dernière pour l'émission 594. Aujourd'hui c'est à 495, hein, tout simplement. Et le groupe Neutol, avec lequel on avait passé une superbe soirée, on n'a pas vu passer le temps. Ils nous avaient fait découvrir leur univers. Donc c'était un groupe qui est venu spécialement de Tours, hein, comme on vous l'a dit la semaine dernière. Le morceau qu'on écoutera tout à l'heure s'appelle It's Alright. Et comme je vous le disais, la semaine dernière on a reçu donc Neutol, on a reçu la semaine d'avant Jimo, La semaine d'après, je vous le dirai tout à l'heure, parce qu'il faut que je regarde tout ça, parce que j'ai mon petit programme. Et effectivement, il y a beaucoup de demandes pour les prochaines semaines. Donc, on aura les invités, parce que c'est quand même ça, la signature de l'émission Mavrika. Dans l'émission Mavrika, on aime bien recevoir des gens, faire connaissance, et après les retrouver, bien évidemment, sur scène, et puis continuer à diffuser leurs morceaux, même quand ils sont pas là dans les studios. Donc, la semaine prochaine, nous aurons un autre projet, et ainsi de suite, jusqu'au mois de mars. On en a déjà plusieurs, donc je vous l'ai dit dans le désordre. Il va y avoir Roraima, il y aura aussi Manu Lorca qui veut revenir. Bon, pour l'instant, la date n'est pas encore réservée. Bon, je regarderai ça tout à l'heure, et puis je vous le dirai. Et en attendant, ce soir, nous avons ici un invité. C'est une personne que je reçois pour la première fois, donc on va découvrir tous ensemble son univers. Il s'agit de Max De Giovanni, j'espère que je l'ai bien dit, on en parlera tout à l'heure. Je vois que sourire de son côté. Bon, j'ai essayé de me la piquer, hein, mais bon, effectivement, des fois, je peux aussi avoir la langue qui fourche un petit peu. En tout cas, on va découvrir tout son univers. Il nous a amené de la bonne musique, on va discuter, on va apprendre plein de choses. Et on va aussi diffuser des morceaux d'autres artistes qui sont déjà venus dans l'émission Mavrika. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h, on a plein de choses à partager ensemble. Vous savez, l'émission Mavrika, c'est l'émission du partage. Et restez avec nous sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et aussi sur radio-arc-en-ciel.fr. Quelle pêche, le groupe Neutol avec un morceau qui s'appelle It's Alright et c'est tiré de l'album qui s'était venu défendre donc la semaine dernière qui s'appelle Free Your Mind. Alors si vous aimez le rock'n'roll qui envoie du bois, ben vous pouvez écouter Neutol, un groupe de Tours, et s'ils viennent de la région, n'hésitez pas à aller les voir. Moi j'ai vraiment envie de les découvrir sur scène. En tout cas moi j'avais découvert déjà leur morceau depuis quelques semaines, on les a diffusés et puis la semaine dernière donc c'était la rencontre. Ils sont venus dans les studios Radio Arc-en-Ciel et ils reviendront, hein, ça, bien entendu, ils font partie maintenant de la Mavericas Family. On va accueillir maintenant une autre personne, et c'est la première fois qu'il vient aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est Max De Giovanni. Salut Max. Salut Albino. Ah bah, je vais régler un peu plus fort les micros parce que on a l'impression que t'es très loin. Bah, ça me fait plaisir que tu sois là. Bah, moi aussi, merci de m'accueillir. Bah, oui, parce que nous, finalement, on a un ami commun, une personne qui est déjà venue plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui fait partie du groupe Summer Chains. Ouais. Et qui m'a dit, j'ai un ami qui fait de la musique, est-ce que tu pourrais le recevoir? Je dis, bah, tu sais, c'est vraiment le truc de l'émission, c'est de recevoir des artistes et de les faire connaître, hein. Parce que, effectivement, dans beaucoup de radios, on passe toujours la même chose. Et nous, on aime bien passer aussi des choses différentes. Donc, et justement, faire découvrir des artistes que les gens ne connaissent pas forcément. Et toi, tu nous viens de Bayonne. De Bayonne, carrément. Carrément. Ah, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Tu as aussi de la famille dans le coin ou comment ça se passe? Alors, absolument pas. J'ai vécu ici. D'accord. Voilà. Et après, seule famille qui reste, c'est justement Mika de Summer Chain qui est pas loin d'Orléans, donc. Alors on se passera un petit Summer Chain, ça aussi, ça envoie bien aussi. Ah bah, il faut. Ouais. Il faut. C'est un groupe que j'ai découvert il y a quelques années et depuis, bah, ils ont pas mal travaillé, ils ont beaucoup évolué. Moi, je vois les morceaux qu'ils font, c'est super bien peaufiné et tout ça. Et c'est vrai que, bah, il va falloir qu'ils reviennent dans le studio de Radio Arc-en-Ciel pour défendre un petit peu, leur projet parce que ils méritent vraiment d'être connus, en tout cas. Il faut. Et puis moi, je suis admiratif, justement, de Mika et son jeu à la guitare, c'est, Ouais, c'est un excellent musicien. Agaçant. Ouais. Oui, pour les autres musiciens, oui, c'est sûr. Ça va qu'il est gentil. Ouais, mais c'est quelqu'un qui suit beaucoup l'émission. J'ai beaucoup de petits j'aime dans l'émission Mavericas. D'ailleurs, je voulais remercier tous les gens qui nous écoutent. Alors, je vois des noms qui reviennent assez régulièrement. Christophe Denacker, Christina, qui est l'animatrice de l'émission À Fleur de Piel, le mercredi soir. Chris, il s'appelle Christian Morin, voilà. C'est aussi le projet Chris. David McLean, qui est aussi musicien. Jean Vidier, qui n'est autre que Manu Lorca, voilà, qui viendra aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, je vous en ai parlé tout à l'heure je redirai aussi tout l'agenda parce que j'ai marqué ça quelque part sur l'ordinateur, on le retrouvera. Et ce soir donc cette émission t'es réservée, donc on l'avait déjà réservée depuis pas mal de temps, tu es dans les studios et tu vas nous parler justement de ton projet. Ouais. Alors ton projet c'est Max De Giovanni, voilà. Ouais. c'est ton vrai nom. Ouais, tout à fait. C'est comme ça. Donc, c'est pas un pseudo. Non. Voilà, c'est d'origine italienne, ça, non? Exactement. Ouais, je m'en serais douté un petit peu. Tu vas nous parler de ton projet parce que il va y avoir un album qui va sortir le 2. Mercredi. Le 2 février, et c'est ouais, ça? Hein, c'est ça. Le 2 février, il sera disponible sur toutes les plateformes. Et après, dans quelques magasins, surtout dans le sud-ouest. Et un petit peu aussi, il sera distribué en Bretagne, sur Brest, au magasin Dialogue, dans le sud-ouest, à Bayonne, au magasin Cultura, chez des disquaires. Voilà, en Bourgogne également, donc un petit peu partout, mais plus simple, c'est sur les plateformes, ou directement sur mon site internet, ou sur ma page Facebook, Max De Giovanni. On pourra retrouver, me contacter, et je me ferai un plaisir d'envoyer des albums. Très bien. Cet album-là, il va sortir. Il est déjà enregistré. Tout est dans la boîte. Tout est comme il faut. Ouais, tout est dans la boîte. Voilà. Ça fait 3 ans que je travaille dessus. Ça fait 3 ans. Donc, ouais. Avec la composition comprise ou pas? Tout. Voilà. Donc, entre le moment où tu t'es dit, tiens, je vais faire un nouveau projet, je vais sortir un disque dans quelques temps. Tu as commencé à partir de ce moment-là. Et après, donc, t'avais déjà des idées, t'avais déjà des morceaux composés. En fait, alors, il y a des morceaux qui sont très vieux. J'écris depuis que j'ai l'âge de 10 ans, à peu près. J'ai eu différentes formations musicales, que ce soit à Orléans avec Mika, justement, on avait joué ensemble. Et ensuite, j'ai monté un duo sur Bayonne qui s'appelait Max et Marie, avec lequel j'avais sorti un premier EP qui s'appelait Beautiful Failure. Et mais j'avais toujours dans un coin de tête l'envie de d'écrire mes textes, de sortir mes textes, de faire mon album. Et il y a 3 ans, j'ai dit allez, ça y est, là je me lance. Je vais regarder ce que j'ai dans mes textes qui traînent. Je vais regarder, je vais me mettre à en écrire des nouveaux. Et voilà, j'ai commencé à me lancer là-dedans, à faire mes maquettes tout seul dans mon salon. Et puis en fait, j'ai rencontré Olivier Quesada Tolosa, qui était batteur de Louis Chédid, Claire Kem, Grégoire. Voilà, et on était amis, et je lui ai demandé si ça l'intéresserait de travailler avec moi sur ce projet-là. Et donc il a écouté, et il a dit « Ok, banco, je te suis ». Et voilà, donc tout était déjà écrit, composé, et lui il est venu, il m'a aidé à arranger, à restructurer... Et à en faire l'album que c'est aujourd'hui. Donc là, ça a demandé 3 ans de travail. Mmh. Donc tu as pris le temps pour l'enregistrer, tu t'es dit non, il faut vraiment dans 3 ans il faut qu'il sorte. Est-ce que tu t'es donné une date butoir ou est-ce que tu t'es dit ça viendra quand ça viendra? En 2021, j'ai dit bon là il faut que fin décembre 2021, faut que tout soit dans la boîte, il parte au pressage. Avant non, voilà, on a vraiment travaillé à notre rythme. Le but c'était de faire un album l'album qui me plaisait, l'album que je voulais. Donc on a pris le temps tout simplement, on a essayé de bien faire les choses. Et puis aux alentours de mai-juin de l'année dernière, j'ai mis un petit coup de pression en disant bon là maintenant faut qu'on termine tout ça, faut que le mix, le mastering se termine et puis qu'il sorte pour Noël. Bon, il sort pas à Noël, il sort en février. Il sort le jour de la Chandeleur, c'est pas mal. D'accord, c'est pas mal. Bah, on mangera des crêpes et puis on écoutera l'album, quoi. Exactement. Alors cet album-là, il s'appelle comment ? Il s'appelle Le Fou. Le Fou. Ouais. Alors tu vas nous expliquer pourquoi c'est Le Fou ? Alors il n'y a pas vraiment d'explication. En fait, c'est une des chansons de l'album qui s'appelle Le Fou. C'est une chanson que j'affectionne tout particulièrement sur cet opus. Et voilà, je me suis dit, c'est celle-ci que j'ai envie que ce soit ce titre-là qui ressorte, qui soit le titre de l'album. Je trouvais qu'en plus avec la conjoncture actuelle, c'était circonstance. Donc, vu le travail qu'on a accompli, se lancer dans ce projet-là, c'est quelque chose d'un petit peu fou quand même. Donc, j'ai dit, allez, on va l'appeler Le Fou et voilà. Ouais, comme ça fait réagir aussi les gens et puis c'est quelque chose. Oui, alors c'est une question qu'on pose à chaque fois. Hein, ouais. Donc, en fait, je change de réponse à chaque fois. D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est original, donc les gens s'en souviennent. Puis c'est vrai que ça les fait réagir. Ils se posaient la question, pourquoi le fou? Ok. Parce qu'on va faire, on va écouter un premier morceau. Oui. On l'a déjà calé sur la platine. Alors, ce morceau s'appelle Le Regard Fier. Ouais. Et pourquoi t'as choisi ce morceau-là pour commencer? Écoute, en écoutant un petit peu tes émissions, j'ai vu que c'était quand même assez rock. Donc, je me suis dit, on va prendre un morceau qui est rock. Ah d'accord, qui envoie un peu plus dès le départ. Un petit peu plus d'entrée. Je me suis dit, on va essayer de mettre un peu tout le monde d'accord là-dessus. Et voilà, c'est un morceau qui est vraiment bien. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, on écoute ça tout de suite. Avec plaisir. Parti. Oui, parfois, il m'arrive de trébucher. J'ai déjà posé un genou à terre devant l'ampleur des combats menés. Oui, souvent, j'ai pensé abandonner, choisir la solution la plus radicale pour ne plus avoir de larmes à sécher. Avancer, la tête haute, ma victoire sur la vie. Car après tout, c'est pas ma faute. Alors j'inspire et te sourire. Oui, parfois, je me sens assez fort pour prendre la mer et quitter le port. Et même tenter de lâcher ta main. Oui, souvent, être dans le brouillard, baisser les bras, être un cul, un bon bordel, joli bazar. Mais avancer, la tête haute, ma victoire sur la vie, car après tout, c'est pas ma faute. Alors j'inspire

Merci d'être toujours aussi nombreux à écouter Radio Arc-en-Ciel et l'émission Mavrika le vendredi à partir de 19h jusqu'à 22h. Et dans l'émission Mavrika, on aime bien recevoir des artistes. Et ce soir, nous avons une personne qui est venue de Bayonne pour nous présenter son projet. Alors, l'album s'appelle Le Fou et l'artiste que nous recevons ce soir, c'est Max de Giovanni. Voilà. Tout va bien ? Ouais, super. Donc on a écouté pas un morceau mais deux morceaux à la suite. Hein. Ouais. On a pris le temps. Hein. Et en plus on avait pas mal de gens qui nous appellent, donc ça nous fait plaisir de savoir qu'on est suivi par autant d'auditeurs sympathiques. Les gens les plus sympathiques écoutent Radio Arc-en-Ciel, hein, l'émission Mavrika. Ah, en plus on a un petit coucou de Christophe qui est le guitariste des Prisma. On écoutera un petit Prisma aussi qui connaît très bien Mika et qui dit qu'il est effectivement les amis de Mika ne peuvent être que des gens bien, donc forcément il va écouter l'émission. Ou l'inverse. Ou c'est juste mes amis qui sont des gens bien. Ah ouais, donc non, c'est ça. Faut se calmer sur Mika parce qu'après je vais en entendre parler. Il doit avoir les chevilles qui onflent. Exactement. Qui onflent. Voilà, donc on a écouté deux morceaux. Le premier morceau c'était Le Regard Fier. Le Regard Fier. Et le deuxième, bon, c'est encore Allez Viens. Allez Viens. Donc c'était le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant. Ouais. Alors ces morceaux-là, c'est toi qui a composé la musique. Oui. Tu as fait aussi les paroles. Oui, tout à fait. C'est quoi qui vient d'abord ? C'est d'abord la musique, d'abord les paroles ? Ouais, c'est d'abord les textes. D'abord les textes. Ouais, j'écris des poèmes. J'écris des poésies, tout simplement. Il n'y a pas de couplet, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de pont, il n'y a rien de tout ça. J'écris, c'est des pulsions, j'ai besoin d'écrire, donc je me mets à écrire, j'écris. Et puis après, je le regarde et je regarde comment on peut faire pour en faire une chanson. Qu'est-ce qui pourrait faire un bon refrain ou pas. Et puis voilà, c'est comme ça que je travaille. Et puis après, je prends la guitare et puis je cherche. Donc tu composes à la guitare, ouais. et après voilà, tu trouves une musique et ainsi de suite. Alors ce qui est marrant, c'est que moi, depuis que je reçois des artistes dans l'émission Mavrika, j'ai remarqué que souvent c'était comme ça. Donc les gens qui interprètent en français, souvent c'est d'abord les paroles et ensuite la musique. Ouais. Et souvent quand c'est en anglais, c'est parce que on essaie de trouver des paroles qui sonnent bien, et l'anglais sonne très bien avec la musique. Souvent les gens qui pensent d'abord musique, ils mettent souvent des... Pas toujours, hein, mais souvent c'est le cas. Et là, quand tu m'as dit que effectivement tu commençais par les paroles, ça m'a même pas étonné, puisque effectivement tu interprètes tous tes morceaux en français. Ouais, tout est en français. Ouais, c'était une volonté. Avant, je faisais en anglais, et à partir du moment où j'ai décidé d'écrire, de partager mes morceaux, j'ai estimé qu'il fallait le faire en français, que les choses que j'avais à dire. Et à partager, ben, fallait que ce soit en français. Il fallait que tout le monde comprenne. Oui, comprenne, ou enfin puisse s'approprier les morceaux comme il l'entendait. Donc effectivement, il fallait que ce soit, à mon sens, du français. Est-ce que justement le fait d'écrire en français, est-ce que c'est pas plus compliqué, puisque finalement tu te dévoiles beaucoup plus, alors que quand on chante en anglais, on peut dire I love you baby, etc. Ça passe très bien. En français, non, il faut quand même faire attention plus au texte. Hein, je pense que. Ouais, c'est une évidence. Après, je pense que justement c'est aussi pour ça que quand on commence, on a tendance à aller vers l'anglais quand on peut le faire. C'est une forme de barrière et de distance qu'on met dans ce qu'on veut dire. Là, c'est sûr que quand on le fait en français, on se dit que ben chaque mot, chaque peut être potentiellement interprété, analysé. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai une culture musique française, pas plus qu'une musique anglaise, américaine, etc. Donc, j'ai grandi avec des grands chanteurs dans les oreilles, que ce soit Higelin, Bachung, Souchon, Escher, Eiffel, Noir Désir, etc. Donc c'est tous des paroliers, c'est tous des gens qui manient le verbe comme, à mon avis, comme très peu l'ont fait. Donc voilà, il y a pas de comparaison, je me compare pas, mais c'est voilà, c'était une volonté de continuer ça, de rester dans du français. Ouais. Mmh. Donc premier album en français, peut-être après il y aura peut-être des chansons en anglais ou... Non, restes en français, en espagnol, en portugais. Alors, je vais dire la vérité, il y a une chanson sur l'album où il y a un peu d'espagnol. D'accord. Voilà. Mais sinon, non, je resterai en français. C'est les voisins, de toute façon, à côté de Bayonne, l'Espagne n'est pas très loin. Bah oui. Alors moi qui vais souvent en Espagne et au Portugal, effectivement, Bayonne, moi, c'est l'endroit où je m'arrête, parce que c'est un peu à mi-chemin, et je m'arrête souvent, et je connais très bien cet endroit-là, et j'adore, c'est vrai que c'est super. Ah, j'ai découvert comme ça, sur la route, et puis il y a la mer à côté, donc souvent, ben, on voyage un petit peu, on s'arrête, on va à la plage, on profite un petit peu du soleil, et après on fait une deuxième journée de route pour aller jusqu'au Portugal ou en Espagne. Et c'est vrai que Bayonne, moi, c'est un endroit qui m'a toujours plu. On s'arrête souvent en Bayonne, Anglette, voilà, tu connais très bien cet endroit-là. Oui, c'est mon terrain de jeu. Voilà, très bien. Et tu interprètes tes morceaux en français. Ouais. Et qu'est-ce que tu mets dedans? Pourquoi ça te vient à l'esprit de... Pourquoi ça te donne envie d'écrire des chansons? Est-ce qu'il y a des sujets particuliers? Est-ce que... C'est non, je sais pas. C'est y en a qui ont besoin d'aller à la salle de sport, y en a qui ont besoin d'aller courir, y en a qui ont besoin de faire des gros riffs endiablés sur leur guitare. Moi, j'ai un besoin d'écrire. Quand ça va, quand ça va pas, j'ai besoin de l'écrire, de le poser sur un papier. C'est une sorte d'exutoire. Maintenant, je me livre pas forcément, c'est-à-dire que je tourne ça, je me balade, mais ça me fait du bien. Donc voilà, si je me sens seul, ben je vais en faire une. Si j'ai un moment de blues où je me sens un peu seul dans mon coin, etc., ben je vais en faire une chanson et puis je vais aller loin. Je vais essayer d'aller chercher des choses assez sombres sur certaines chansons. C'est le cas sur Le Regard Fier, par exemple, mais il y a des chansons qui sont plus légères, comme une chanson qu'on diffusera tout à l'heure. Voilà, c'est. Je parle de tout, je parle des états d'âme qu'on peut tous avoir en tant qu'être humain au quotidien, des tristesses, des peines de cœur, des joies, des élans d'amour, des déceptions, des doutes. Voilà, c'est de l'émotion finalement. Ouais, c'est ça. C'est l'émotion qui te donne envie. T'as envie de transmettre cette émotion à travers la musique. Ouais. Et les gens ils le perçoivent peut-être pas forcément comme toi tu as eu envie de leur transmettre, mais ils se l'accaparent et puis finalement ça fonctionne. Quoi. Ouais. Après je j'ai pas la prétention et j'ai pas forcément l'envie de transmettre quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de précis, il faut que les gens aient En fait, pour moi, un texte, une musique, c'est comme un tableau quand on va dans un musée, chacun y voit ce qu'il veut en fait, chacun ressent, perçoit l'œuvre comme il a envie à ce moment-là, au moment où il l'écoute. Donc c'est pareil pour moi sur une chanson, c'est-à-dire il y a des chansons qui moi vont me tirer des larmes, la personne à côté ça va rien lui faire, il y en a une autre elle va trouver, elle va juste l'analyser, voilà, face à une œuvre quelle qu'elle soit en fait, hein, que ce soit peinture, sculpture, film ou musique, j'aime cette idée de savoir que en fait chacun va s'approprier, va prendre ce qu'il a à prendre dedans, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. J'ai une chanson, par exemple, une petite anecdote, ça fait 20 ans que je la joue. Je l'ai jouée à Orléans, à l'époque où je jouais avec Mika, justement, qui s'appelle L'Espagnol, qui est sur l'album aujourd'hui, mais voilà, c'est pour lui mettre une fin à cette chanson, comme ça après j'en parle plus. En fait, je raconte le suicide du protagoniste. Suite à une peine de cœur. D'accord. Alors c'est pas. C'est pas très gay, mais bon. Ouais, c'est pas autobiographique. Mais voilà. Et cette chanson, je lui ai toujours mis une musique hyper gay. Et c'est très drôle parce que moi, ça m'amusait beaucoup sur scène de voir les gens danser, chanter, reprendre les paroles. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est la musique qui passe avant les paroles. Et là, j'ai voulu faire l'inverse. C'est-à-dire, je l'ai un petit peu calmé, la musique, et j'ai voulu mettre le texte en avant, et maintenant j'attends de voir un petit peu comment la chanson est perçue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, si j'avais voulu toucher les gens par le texte, je pense que la musique est hyper importante pour ça aussi. La musique conditionne un petit peu l'état d'esprit dans lequel on va être au moment où on va entendre la chanson. Donc, Ouais, tu parles de moments et effectivement, il y a aussi, on parlait devant une œuvre, que ce soit un tableau, que ce soit une sculpture, que ce soit bon une œuvre artistique en général, on a une émotion et suivant l'état dans lequel on est, on va pas le percevoir de la même manière. Exactement. Par exemple, un jour, on va écouter une chanson d'une manière et quelques temps après, on va l'écouter d'une autre manière et il y a des choses qui vont passer. ouais. qui n'était pas passé à un autre moment. Donc des fois on est réceptif, des fois on l'est pas. Mmh. Donc déjà nous-mêmes dans le dans la perception de l'émotion, on n'est pas toujours constant. Et moi ça m'arrive aussi de découvrir des morceaux d'artistes qui sont venus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et j'ai écouté des morceaux d'une certaine manière, voilà, je me suis fait une idée de cette chanson là que j'ai écouté une fois, deux fois, trois fois et après ils sont venus dans l'émission, ils me l'ont expliqué cette et là quand je les réécoute, je pense à ce qu'ils m'ont dit et je les réécoute plus de la même manière que les premières fois. Comme quoi c'est voilà, on évolue hein. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu regrettes d'avoir une autre perception? Non, pas non. du tout, parce que finalement, la mienne, je l'ai quand même. D'accord. Mais après, j'ai une explication, et puis je me dis, oui, mais moi, j'avais compris autrement, et voilà, je pense que les artistes comprennent ça aussi. Ils se doutent bien, par exemple, quand ils racontent une histoire d'amour, l'auteur, ben, c'est un petit peu son histoire à lui, mais finalement, les gens qui écoutent disent, ça, c'est notre chanson aussi. Ouais. Donc finalement, on s'accapare les choses, bien sûr. Et puis les mots, etc. Donc, par rapport à notre vécu. Tout simplement. Exactement. Et puis une chanson qui nous touche pas à un certain moment, on peut vivre quelque chose qui fait que quelque temps après on va la comprendre autrement et par rapport à ce qu'on a vécu entre-temps, voilà, et voilà, ça évolue. Hein. Donc c'est ça, on parle de la musique vivante, mais les œuvres d'art en général continuent de vivre. Parce que finalement, elle continue de faire changer les émotions. Et puis, voilà. Et puis la musique a cette force, comme les odeurs, je trouve, qui est que une musique qu'on entend à un instant bien précis dans sa vie, on la réentend 20 ans plus tard, elle nous reprojette là où on l'a entendue la première fois. C'est comme une odeur, l'odeur du gâteau dans la cuisine. Ouais. Quand on le retrouve 20 ans plus tard, hop, on se retrouve dans la même cuisine, au même moment. Et moi, ça me fait ça avec la musique. Il y a des chansons qui, de suite, me projettent, me ramènent des années en arrière. Je sais que les musiciens, souvent, ils sont un petit peu déformés par ça parce qu'ils ont la technique et tout ça. Donc après, ils font attention à beaucoup de techniques. Moi, c'est l'émotion qui compte. Je suis pas musicien moi-même, donc moi, c'est l'émotion qui compte. À la limite, qu'ils fassent plein d'accords ou un truc super compliqué, je m'en fous un peu. C'était un peu le mot d'ordre sur l'album. Voilà. On s'est dit avec Olivier Quesada quand on a travaillé sur l'arrangement, on a dit on en a rien. Alors, je parle un peu trivialement. Mais c'est ce qu'on s'est dit, on en a rien à foutre de savoir que l'accord il est diminué 9e ou c'est un do à 9, on s'en fout. Si c'est mi do sol ré et que ça fonctionne et que c'est les tournures classiques d'un morceau classique, on s'en fiche, on va chercher l'émotion, on va chercher la mélodie et on va harmoniser les voix, on va faire des voix, on va faire des arrangements, on va essayer d'enrichir musicalement avec des petites guitares, avec des subtilités à la batterie, à la basse, etc. plutôt que d'avoir des choses qui se veulent compliquées. Et qui moi personnellement m'ont toujours gonflé en fait. Tout ce qui est hyper technique, ça me touche pas. Parce que c'est comme ce qu'on voit aujourd'hui sur toutes les vidéos YouTube avec tous les grands guitaristes de 15 ans dans leur chambre qui font du tapping et des 12 000 notes à la minute. Ouais, c'est bien, mais ça manque d'âme, ça manque de sensibilité. On l'a dit souvent dans l'émission, des fois il y a des virtuoses qui font plein de notes, pas possible, tout ça, mais ça reste froid, ça reste... et à contrario, il y a des fois, on compare souvent avec des bluesmen qui ont même pas la notion du solfège, qui ont appris la musique parce que voilà, il y a quelqu'un qui avait une guitare, ils ont pris la guitare, ils ont fait les mêmes choses, et ainsi de suite, ils font quatre accords, et puis ils mettent tellement d'émotions dedans que voilà, on est vraiment absorbé par ce qu'ils font, et souvent c'est l'émotion qui compte, c'est pas tellement L'émotion, c'est pour ce qui est de la musique française, je pense que c'est les mots et c'est les mélodies. Et aujourd'hui, quand on voit les artistes qui perdurent, on entend encore aujourd'hui du Balavoine, du Michel Berger, du Bachung, du Higelin, tous ces artistes-là, encore du Brel, du Brassens, parce que c'était à la fois simple et compliqué, mais c'était pas compliqué dans la technique, c'était compliqué dans la structure, c'était compliqué dans le verbe utilisé, c'était compliqué dans tout ça, dans la composition, mais c'était mélodiquement, c'est des chansons qui restent en tête, qui fonctionnent, et c'est des mots qui touchent, et au final ça perdure, et c'est voilà, aujourd'hui après c'est ma conception de la musique hein. Ça n'engage que moi. Je suis assez d'accord avec toi voilà. Moi c'est un petit peu comme ça que je le ressens, donc je comprends tout à fait. Je veux pas de clivant. Voilà, donc on a écouté deux morceaux. Alors cet album, il a combien de morceaux en tout? 14. 14. Ah ben c'est carrément l'album là, c'est pas le mini EP À la base, il y en avait 22. 22. On s'était dit, est-ce qu'on met les 22? Est-ce qu'on fait un double album? Ou est-ce qu'on en fait? Donc on a dit non, on va réduire, donc 14. Il y a quasiment une heure de musique. artistique. On peut pousser la comparaison avec l'artiste peintre qui a du mal à finir un tableau, parce que quand on fait un tableau, voilà, est-ce que je rajoute encore de la couleur, est-ce que j'en ai mis trop, est-ce que j'en ai mis pas assez, et justement le truc c'est de réussir à faire quelque chose en mettant le strict minimum, quoi. Trop en mettre, des fois c'est trop. Ça c'est vraiment dans le travail de compo, effectivement, surtout qu'il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter, et voilà, donc le fait de savoir s'arrêter, je pense que quand tu t'es dit aussi j'arrête, il va falloir que je termine l'album vers Noël, bon, tu t'es donné un mois de plus, c'est pareil, c'est une rigueur que t'es obligé de t'imposer, parce que finalement t'as toujours envie de modifier peut-être ou... Ah, mais je pense qu'aujourd'hui, si je devais recommencer le travail sur cet album, je ferais pas le même album. La base serait la même, mais en fait on peut ne jamais s'arrêter. On peut jamais s'arrêter. On peut toujours continuer à modifier tel riff, à modifier telle partie de basse, telle mélodie. Mais voilà, à un moment, faut savoir dire stop. Et, ouais, et puis l'enregistrement, il restera. Il est comme il est. Exactement. Moi, il y a le live après pour justement proposer autre chose. Parce live, que, ça veut dire vivant. Donc, continuer de faire vivre la musique. Exactement. Et ma conception du live, c'est de proposer quelque chose d'un peu différent. Que ce qu'il y a sur l'album, pas jouer l'album. L'album, on peut l'écouter dans son salon, dans sa chambre, en voiture. En live, j'aime bien les artistes qui font une proposition, une nouvelle proposition artistique. Et c'est en ce sens que, voilà, le concert, je serai en concert le 5 mars à La Benne, à côté de Bayonne, pour la sortie de l'album. Et voilà, on est en train de travailler pour emmener les morceaux un petit peu ailleurs. Voilà, proposer quelque chose scéniquement qui va changer l'album. D'accord, bah très bien. Bah, tu rappelles la date de ce concert ? Le samedi 5 mars à La Benne. 5 mars à La Benne. Dans les Landes. Donc voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent dans cette région-là, parce qu'aujourd'hui, on peut nous écouter dans le monde entier, donc ça nous fait plaisir de savoir que des gens nous écoutent partout en France et aussi si, à l'étranger. Et si des gens du Loiret veulent prendre la voiture et venir, ils sont les bienvenus. Profiter aussi un petit peu du soleil, tu nous ramènes un peu de douceur aussi, non ? Oui, il faisait beau ce matin. Je peux faire aussi bison futé si tu veux, je peux te dire le trafic, ça. Ça roulait bien. Ça roulait bien. Bon. Ça roulait bien. C'est une bonne chose. Voilà, on écoute donc le troisième morceau de cet album, Le Fou. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ce morceau s'appelle Mon Évidence. Oui. On l'écoute tout de suite. Avec plaisir. Vivant, rendre jaloux tous les les êtres de la terre, juste s'aimer tout simplement. Sous l'eau, sous terre, dans l'air, se sentir ensemble, vivant. Rendre jaloux tous les êtres de la terre, juste s'aimer tout simplement. Pas après pas, main dans la main, tu me guides vers le bonheur. Comme enveloppé de satin, mon évidence, mon évidence. Pas après pas, main dans la main, tu me guides vers le bonheur. Comme enveloppé de satin. Deux morceaux à la suite. D'abord, c'était Max de Giovanni, qui est notre invité de cette émission numéro 495. On s'approche de plus en plus de la 500e. D'ailleurs, la 500e, normalement, c'est déjà programmé. Donc, il va falloir que je regarde quand même dans l'agenda pour savoir quel est le projet qui viendra à ce moment-là. Donc, on a écouté Mon Évidence. Et juste après, donc c'était un morceau des Somorchens pour notre ami Mika. Et le morceau s'appelle Maze. Voilà, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et puis, on va continuer à découvrir l'univers de Max de Giovanni qui nous vient de Bayonne spécialement. Donc, Max, on vient d'écouter un troisième morceau. Ouais. Alors, cet album s'appelle Le Fou et il va sortir le 2 février, donc c'est mercredi. Ouais. Pour l'instant, finalement, c'est une exclusivité mondiale là, ce soir que tu nous fais. Ouais, un peu. Ouais. Je sais que tu es aussi passé dans d'autres radios aussi pour, ce qui est tout à fait normal. Ouais, hein. Ouais. Voilà. Et puis, heureusement qu'il y a des radios comme ça qui s'intéressent aussi aux artistes qui ne sont pas forcément connus. Ouais, c'est bien. Il y en a certains qui rabâchent à longueur de journée toujours les mêmes. C'est un petit peu dommage de réduire justement toute la richesse culturelle et musicale qu'on peut avoir en France et réduire à 3-4 personnes alors qu'il y en a des très bons. Ouais, non, mais c'est, dans c'est, tous les styles. C'est très vrai ce que tu dis parce que quand on se lance comme ça à faire de la promotion de ce que l'on fait, c'est compliqué. Beaucoup de portes sont fermées, les volets aussi, donc on peut même pas passer par la fenêtre, c'est terrible. Et heureusement, il y a des radios comme Radio Arc-en-Ciel et d'autres qui nous ouvrent la porte, qui sont une fenêtre, qui ouvrent les fenêtres et qui font qu'on peut s'exprimer, qu'on peut parler. C'est très très compliqué. Ça fait partie de longues réflexions nocturnes que je peux avoir en me disant comment faire pour que mon album puisse vivre et comment le faire vivre et comment le jouer. Et voilà, aujourd'hui, je réfléchis. Voilà, à des partenariats avec d'autres groupes, avec d'autres musiciens, notamment avec Mika et Some More Chain. Voilà, c'est ou avec Michel Boudria sur Bayonne également, ou les Alzheimer Experience dans le Gers. C'est se dire, voilà, on est chacun un petit peu dans des endroits en France. Comment on peut faire pour se renvoyer à l'ascenseur? Venez jouer avec nous, et puis nous on viendra jouer avec vous, et puis vous essayerez de vendre votre album pendant vos concerts. Ouais, c'est ça, voilà, en fait, c'est créer une sorte de communauté, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les labels, les maisons de disques, c'est très très compliqué. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est compliqué. Je pense que il faut des gens comme toi pour parler de nous, pour permettre de partager notre musique, et ça c'est juste génial. Et malheureusement encore un peu trop rare à mon goût, mais bon, voilà. C'est vrai que sur la région orléanaise, souvent on me dit, ouais, t'es le seul à faire ça. Non, je suis pas le seul. Il y en a quand même certains autres qui le font aussi. Bon, hors antenne, je leur donne aussi des adresses pour aller, parce que moi, le plus important, c'est, bon, je défends Radio Arc-en-Ciel, ce qui est tout à fait normal, les artistes qui viennent, mais s'ils peuvent aussi passer dans d'autres radios, moi, ce que je serais fier, c'est qu'ils soient dans vraiment les grandes radios, qu'on les voit à la télé, qu'ils deviennent des gens célèbres, et en me disant, tiens, j'ai eu la chance de le rencontrer au début, voilà, et j'étais un petit peu là. Donc voilà, c'est. Bah, écoute, si un jour je suis sur le canapé rouge de Michel Drucker, je parlerai de toi et je te remercierai en direct. Et je sais qu'il y a plusieurs choses comme ça. Je me souviens, il y avait un artiste, c'était Mandrake, qui avait formé un groupe. Il était venu tout seul, voilà. C'était Guillaume qui était venu tout seul. Il a voulu former un groupe et donc on a lancé les annonces sur la radio, et il est venu quelques temps après avec le groupe. Il s'est formé en direct dans l'émission Mavrika. Donc c'est vraiment un groupe qui était né avec l'émission. Et justement, un jour, il avait une interview sur une autre radio, une radio nationale, et puis il a dit, voilà, mais comment vous avez eu envie de faire de la musique et tout ça? Je dis, au début, je faisais de la musique dans ma chambre, et puis j'ai eu envie de rencontrer des gens, et c'est grâce à Luino dans l'émission Mavrika. Et donc je dis, le gars, en 2 minutes, et en plus c'était en direct, parce que d'habitude ils enregistrent et diffusent après. Mm-hmm. Mais là, bon, ça s'était fait comme ça. Bon, ils étaient un peu. Bon, ils ont eu la personne au téléphone. Allez, on le prend en direct. Et puis là, il a sorti un vidéo. Donc, j'ai trouvé ça super. D'ailleurs, j'ai l'enregistrement quelque part. Ça me ferait plaisir de le rediffuser dans l'émission d'Amérique, parce que j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc, il parlait de moi. Et puis, donc, les autres, après, ils disent oui, super, collègue. On le remercie, donc, pour ce qu'il a fait. Donc, c'est ce petit clin d'œil, quoi, qui est super, super agréable. Non, mais c'est important de se souvenir après de ceux qui nous ont aidés et qui ont contribué à cette aventure, parce que c'est une aventure. Hein. Ouais, c'est tout à fait. C'est une longue aventure, semée d'embûches, mais c'est important. Faut se souvenir d'où on vient, savoir qui nous a tendu la main, qui nous a aidés. Et pas avoir d'aigreur pour ceux qui nous ont pas aidés, parce que oui, après, c'est comme ça. Et puis on peut pas tout aimer non plus, hein, forcément. Donc voilà, il y a des gens qui vont apprécier tel style de musique, d'autres tel autre. Et puis bon, il y en a pour tous les goûts. Bien sûr. Une seule musique, ça serait un petit peu toujours pareil, quoi. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plusieurs musiques. Ben, là, on écoute un petit morceau qui envoie bien les Silver Chains. Après les Neutol, et puis après on se calme aussi en l'écoutant du Max de Giovanni. Voilà. et d'autres, hein, y en a d'autres, oui, avec des belles paroles, avec une belle musique bien entraînante, une jolie voix. Voilà, c'est agréable, c'est frais, c'est impeccable. Bah ouais. Voilà, dans l'émission Maverica, ben, au début, c'était l'émission pop rock, mais c'est vrai qu'on a reçu quand même des projets qui sont écartés de plus en plus. La chanson française, c'est régulier, hein. C'est vrai qu'on a quand même de bons auteurs. Et des fois, on s'est même écarté avec de la musique un peu traditionnelle ou de la musique électronique. Et l'important, c'est qu'on passe un bon moment. Et c'est vrai qu'il y a aussi une musique qu'on boude un petit peu peut-être dans l'émission Maverica, c'est le rap, parce que j'ai pas la culture rap, je connais pas mais on a passé des bons moments ici avec des freestyles, avec des rappeurs qui nous ont fait des trucs dans, voilà. Après, ça s'apprend aussi, la musique, c'est quelque chose d'important. Il y a des choses, bon, c'est inné, mais il y a aussi des choses que des fois on a besoin d'avoir certaines références. Et puis, forcément, si on a des amis qui écoutent du rap, on va écouter du rap. Si on a des amis qui écoutent du rock'n'roll, on va écouter aussi du rock'n'roll, on va écouter ce qu'ils écoutent, et puis petit à petit, on va s'accaparer aussi ça. Donc bien c'est sûr. Culturel aussi la musique. Mais complètement. Il faut pas se fermer, il faut écouter toutes les musiques, c'est vraiment bien quoi. Et puis ce soir donc on va parler de cet album Le Fou. Alors tu as mis 3 ans pour le faire, ouais. Entre le moment où tu as commencé à composer, bon tu avais déjà quand même des morceaux qui étaient un petit peu bien avancés, ouais. Bien avancés. Ouais. Et après donc tu as choisi les morceaux, tu as eu du mal à en choisir 14 sur 22. Pas tant que ça au final. Non, pas tant que ça. Il y en avait qui étaient mieux, qui étaient déjà plus aboutis. Fallait qu'il y ait une harmonie entre chaque morceau en fait, pour que l'album ait une logique et une écoute agréable. Il y avait des morceaux qui étaient peut-être encore trop en décalage ou pas dans le bon style musical. Donc pour le prochain album. Ouais, pour le prochain. Le prochain, il est prêt. Il est prêt déjà. Enfin, est prêt. Bon bah tu reviens quand alors dans la mission d'Afrique. Alors je vais déjà jouer celui-ci. Ouais. On va le faire vivre un petit peu. Il faut le défendre. Bah, bien entendu. Je vais au fur et à mesure égrainer les nouveaux morceaux sur scène et puis après on va finir les arrangements, on va rentrer en studio et puis on va se donner un petit peu de temps quand même. Et puis là en plus c'est tombé à un moment, bon effectivement il y avait la période du Covid, donc les confinements, toutes les restrictions et tout ça, pas possibilité vraiment de faire des concerts dans des bonnes conditions, donc tu t'es mis plus dans le studio. Et comment ça s'est passé l'enregistrement? Alors, l'enregistrement, on a tout fait chez moi. D'accord, donc t'as un studio chez toi. On l'a fait en fait, on a justement profité du confinement pour bah oui, c'est on a, ce que on a investi, on a pris le matériel qu'il fallait, on a fait nos tests. Il y a juste les batteries, toutes les prises de batterie, de percu, parce qu'il y a des morceaux, il y a beaucoup de percu. Pour cela, on est parti en studio, on est allé en Espagne justement. D'accord. On est allé en Espagne à Lezzotier Studio et voilà, on a fait 2 jours et on a fait toutes les prises de batterie là-bas et ensuite on a fini l'album, toutes les prises chez moi et après on est parti en studio chez Aturi Studio à Mouguère à côté de Bayonne pour le mix, le mastering et voilà. Ah oui, d'accord. Donc les enregistrements, les prises de son, ils ont été quand même faits chez toi, ouais. Mais à part les batteries qui ont été faites en Espagne, voilà, aussi. C'est ça. Et après, quand même, ça a été finalisé. Oui. Ah ouais, donc c'est quand même un album qui est bien enregistré. On le voit de toute façon. Je me suis dit, il est vachement doué pour faire ça tout à la maison. Il y en a qui le sont. Hein. Et moi, j'ai certaines personnes qui ont fait tout à la maison des fois. J'étais bien accompagné. Mais là, t'es bien accompagné. Ouais, ouais. En plus, on voit que le son il est excellent. Donc il y a un mastering qui a été bien fait comme il faut. Ouais, ouais. Non, on voit que c'est quand même un produit bien fini, parce que régulièrement on reçoit aussi des artistes dans l'émission Maverica qui bon, c'est des amateurs, ils font des maquettes, on les diffuse des morceaux, on voit leur possibilités, mais finalement ça demande d'être plus abouti, mais bon, ça permet quand même de faire découvrir leur travail. Mais là franchement c'est un bel album que tu nous offres là. Ouais, c'est gentil, bah j'en suis très fier, hein, de cet album, et en termes de son, en termes de rendu final, c'est ce que j'espérais dans mes rêves les plus fous justement. Mmh. Je pensais franchement pas y arriver et au final on l'a fait et c'est super. Et alors j'en profite pour dire quelque chose aussi, parce qu'on parlait de la musique d'aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux, par les plateformes, etc. J'ai tenu à presser cet album, à en faire un objet. Parce que pour moi c'est important. Un album, il faut l'avoir physiquement dans les mains. C'est comme un livre. Un livre, quand on le lit, il y a une odeur, l'odeur des pages, etc. Ouais, le papier, le. Exactement. Voilà. Et pour moi, un CD, c'est pareil. C'est pas que les vinyles, parce qu'aujourd'hui c'est les vinyles qui reviennent. C'est aussi le CD, la galette à l'intérieur, le livret, le plaisir de découvrir les paroles, voilà. Et puis pour moi, il est d'autant plus important que c'est ma mère qui a réalisé tout le livret. D'accord. Qui m'a fait ça, qui est graveur. Et on a travaillé ensemble dessus. Enfin, c'est surtout elle qui a travaillé d'ailleurs. Et donc voilà, c'est elle qui a fait toutes les illustrations, les mises en page de A à Z. Et voilà, c'était important pour moi aussi d'aller jusque là, d'aller vraiment dans un projet artistique global, pas que la musique, pas que les paroles, mais aussi dans le visuel, dans ce travail-là. Et je trouve que c'est un bel objet. Mmh. Voilà. C'est vrai que c'est important. Moi, je viens de l'époque où j'ai même fait de la radio dans les années 80 où on faisait avec deux platines vinyle. Donc le vinyle, c'était quelque chose de bien parce que bon, c'est grand, on voit une belle image, on lit tout ce qu'il y avait dessus, on prend le temps d'écouter, on le met sur la platine, donc ça demandait une certaine manipulation. Effectivement, il y a eu le CD après et aujourd'hui, on est de plus en plus en dématérialisé, hein. Ah, c'est-à-dire qu'on télécharge, on a ça sur notre téléphone, un jour il disparaît, on sait plus où il est. Alors qu'avant les disques, on retrouve des fois dans un grenier, hop, une pile de disques, tiens, on va réécouter ça. Et ils sont là physiquement. Et quel plaisir. Ouais. Et quel plaisir, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi, ce que les gens me disent, c'est mais pourquoi t'as pressé des albums? Plus personne n'achète de CD. J'ai pas beaucoup de réponses à ça, parce que même maintenant dans les voitures, qui était un bon argument de dire mais si tu l'écoutes dans ta voiture, bon là c'est fini, ils ont tout dégagé sur les ordinateurs aussi, il y a plus de lecteur CD, mais c'est pas grave. Ouais, parce que le support c'est quand même le CD, même si après moi je sais que je suis le premier, dès que j'ai un CD, hop, j'amène à la maison, je le numérise comme ça, après je l'écoute, oui, sur mon téléphone, sur dans ma voiture, etc. Mais le CD je le garde, et en plus moi j'ai cette chance là, c'est que j'ai des CD qui sont dédicacés, donc voir tous les groupes qui sont ici. Et je t'en ai emmené un. Pour moi, c'est une valeur supplémentaire. Ah bah super, on va pouvoir regarder les illustrations et tout ça. Ah bah oui. Parce que tu m'en as parlé, mais moi j'ai pas encore découvert ça. Mais non, tu l'as pas encore vu. Ah bah très bien. Toujours sous blister dans mon suitcase de guitare. Et voilà, donc moi j'ai une collection, je peux me vanter d'avoir cette collection-là. Et puis d'ailleurs, des gens des fois me disent, voilà, moi j'ai fait un groupe il y a quelques années, le groupe n'existe plus, mais j'ai quelques albums, j'ai envie de t'en envoyer un pour que tu l'aies toi. Parce que je suis un petit peu le gardien de tous ces enregistrements. C'est vrai que j'ai une numérique. Après, je diffuse dans l'émission, mais le support, c'est quand même quelque chose de bien, quoi. Oui, il me semble. Dans le temps, on avait tous des bibliothèques chez soi, on avait des CD tech, et aujourd'hui, on n'a plus rien. On a juste un ordinateur, et c'est triste. Moi, j'aime bien encore ces maisons, ces apparts où quand tu rentres, t'as des bibliothèques géantes, ouais, des grandes bibliothèques avec des livres reliés, tout ça. Je suis peut-être un peu le stégosaure dans ma tête. J'ai peut-être pas beaucoup évolué, mais je sais pas. J'aime bien cette idée-là d'avoir encore des objets, de pouvoir les toucher, de pouvoir les sentir, et le plaisir de mettre, enfin moi ça a été mon kiff réellement quand j'ai reçu les albums, mes cartons d'albums, et je l'ai ouvert et je l'ai mis dans la chaînifiée. Et ben c'est un plaisir, et puis j'ai eu le même plaisir quand je l'ai mis dans ma voiture, voilà. Et c'est un plaisir, et j'espère qu'il y aura des gens qui ont encore ces petits plaisirs simples. Parce qu'aujourd'hui on zappe beaucoup, hein. C'est vrai qu'on passe d'une chanson à l'autre, des fois on écoute 30 secondes d'une, 30 secondes de l'autre, et finalement on n'écoute jamais, et il faut prendre le temps aussi de temps en temps de s'arrêter, se mettre dans un bon fauteuil avec un petit verre ou voilà, une pipe ou ce qu'on veut, et puis se mettre en disant allez, on baisse un peu les lumières et puis on met de la musique et puis on se concentre sur ce qu'on écoute, quoi. Ouais, et puis je pense qu'on est tous comme ça. Quand on fait un album, on réfléchit à un ordre, on réfléchit à l'ordre des chansons à un sens, et c'est vrai que je pense que tu l'as entendu, c'est Adèle qui a demandé à Spotify de retirer le mode aléatoire sur son dernier album. Ah ouais, d'accord. Pour que les gens, quand ils écoutent l'album, ils l'écoutent dans l'ordre, parce qu'elle a dit c'est voilà, il y a un ordre, il y a une raison, c'est pour ça que j'ai mis telle chanson à cet endroit là il y a une raison pour ça. Et je trouve ça vachement bien, parce que c'est vrai que sur l'album Le Fou, j'ai réfléchi à un ordre, il y a une logique, il y a une logique, il y a ça, ça, ça, ça suit une ambiance, ça voilà, il y a des choses qui s'installent quand on écoute un album, donc c'est ça, tu l'as pas sur les plateformes. Quand tu vas sur les plateformes, comme tu dis, on zappe, mais c'est ce qu'on fait surtout aujourd'hui, on zappe à la télé, on zappe dans les amitiés, on zappe dans tout. Et c'est, ouais. C'est dommage, ça va trop vite. Et puis c'est tellement facile d'avoir de la musique à une époque, quand on avait un CD ou un album, on se le prêtait entre amis, on l'écoutait. Aujourd'hui on a tellement que finalement on n'a pas le temps de faire découvrir à nos amis qu'on a déjà un autre, et puis ainsi de suite, et c'est un petit peu dommage. Et puis on peut plus rien dédicacer en plus dans ces cas-là. Ouais, on peut pas signer sur l'écran, si on fait ça sur le MacBook de quelqu'un. Ça. Mais je sais que moi, il y a aussi des albums qui ont été enregistrés, des certaines références, comme moi, je pense entre autres à Police, Pink Floyd, des choses comme ça, où on écoute l'album d'un bout à l'autre. Effectivement, il y a des transitions. Ouais. Et quand c'est passé en CD, il faut savoir qu'il y a certains lecteurs qui mettent une ou deux secondes de plus. Ouais. Et on s'en rend compte. Les gens qui ont l'habitude d'écouter un vinyle, ils savent exactement, la batterie s'arrête à ce moment-là, il y a le truc qui commence à ce moment-là. Et là, on se retrouve avec un petit décalage de deux secondes, c'est le cas sur The Wall des Floyd, justement, les chansons se suivent avec l'hélico qui continue à faire ce bruit, les cris derrière, et c'est vrai que sur le CD, ça coupe. Mais ça c'est en train de changer. Il y a des artistes aujourd'hui qui font des albums qui se suivent, où il y a toute une logique et il y a même presque pas de coupure entre les morceaux. On y revient. Et de toute façon, le CD reviendra comme le vinyle est revenu. Et il y en a même qui vont plus loin. Maintenant, les cassettes aussi reviennent un petit peu. Il y a même des groupes qui ressortent leur album en cassette. Donc, la cassette, on l'avait un petit peu oubliée, on l'avait un petit peu boudée aussi, parce que pour avoir une bonne qualité, il fallait beaucoup de soins, il fallait bien les conserver et puis bien les enregistrer et tout ça. Ça perdait aussi, quand on avait des cassettes de mauvaise qualité, il fallait aller savoir que à force de les diffuser, on perdait un peu dans les aigus. Les graves, ils étaient là. Après, ils se magnétisaient un petit peu. Ça montait, ça descendait au niveau du volume. Il y avait le souffle qui était toujours présent, et à un moment, dès qu'on a eu des enregistreurs numériques, on s'est dit le numérique c'est impeccable, c'est tout nickel et tout ça, et finalement il y avait quand même quelque chose avec le souffle de cette cassette et tout ça. Oui, comme le craquement du vinyle. Alors qu'aujourd'hui on cherche la perfection, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose auquel on a fait attention sur les enregistrements de l'album. Sur les guitares, on les a pas enregistrées en prise directe avec un jack. On a mis le micro devant et ça nous a pas dérangé d'entendre les glissements de la main sur le manche de la guitare. Voilà. La résonance de la pièce aussi, la réverb naturelle et puis le petit couinement des doigts sur le manche. Ouais. Ça a son charme. Même la respiration. Je crois qu'il y a une chanson à la fin, on entend finir de respirer. Il y a des chanteurs qui jouent beaucoup, on sent leur respiration, ça fait une présence, ça fait une proximité qui est très importante, et on a l'impression d'avoir l'artiste à côté de nous, quand on écoute ça dans une bonne chaîne fille, bien entendu. Aujourd'hui, on a aussi tendance à écouter avec des petits... Faut rassurer les gens, ils n'auront pas l'impression de m'avoir à côté d'eux, quand ils écouteront l'album, Bon. Très bien. Donc, on continue à découvrir un petit peu comment s'est passé l'enregistrement de cet album, Le Fou. Cet album sort donc mercredi 2 février. Ouais. Et à quelle heure? Il y a une heure où il faut être là, pile poil. 9h. À 9h. À 9h. Du matin? Ouais. Ah ouais, donc toi tu vas mettre tout en place, et à 9h pile poil, ça sera en ligne. Tout est déjà prêt. D'accord, super. Ça y est, tout est prêt. J'ai demandé 9h, mercredi 2 février. Ok, donc là, ce que je propose, c'est qu'on écoute le morceau qui a donné le nom à cet album, Le Fou. Le Fou. Voilà. Ouais. Et puis après, on s'en écoutera encore un autre, mais je crois qu'entre-temps, on aura le temps aussi de parler d'autre chose. Avec plaisir. C'est comme ça. C'est parti, on écoute donc Le Fou, Max de Giovanni. Dans mes yeux, en y

Voilà, on a écouté deux morceaux à la suite. On a écouté Le Fou, donc le titre qui a donné le nom à l'album de notre invité de l'émission numéro 495. Il s'agit de Max De Giovanni qui est là dans nos studios. On a écouté juste après, c'était Rock Now, donc un titre du groupe Prisma. C'est pour notre ami Christophe, je sais qu'il nous écoute à chaque fois, il nous a appelé en début d'émission, il nous met des petits j'aime aussi sur Facebook. Merci à tous ceux qui mettent des petits j'aime, hein. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'on est suivi, en plus par plein de gens, et on peut se vanter dans l'émission Mavrica d'avoir parmi les auditeurs les meilleurs artistes de la région et d'ailleurs. Justement, si vous avez aimé, si vous aimez le rock FM de Prisma, vous pourrez les retrouver le 26 février. Donc, ça sera avec deux autres groupes. Il y aura entre autres le groupe Dark Revenge et aussi Broken Arms. Et donc, ça sera le 26 février à l'espace Loire à Cléry-Saint-André. Et l'entrée est à 19h. Et c'est 10€ hein, pour la participation, parce que forcément il y a des frais, mais pour aller voir trois groupes 10€, c'est vraiment donné. Et en plus depuis un petit moment on n'a pas pu aller au concert, donc maintenant que les concerts commencent il faut vraiment y aller. Et en plus comme d'habitude il faudra emmener votre masque et il faudra aussi un pass vaccinal obligatoire. Bon, pour l'instant on n'a pas le choix, c'est dans ces conditions là qu'on peut faire les concerts. J'ai aussi un petit démenti à vous faire, c'est à propos de notre ami Jimo qui avait dit dans son émission il y a 15 jours que, parce que Jimo c'est aussi le chanteur d'un groupe qui s'appelle Largus, et il avait dit que Michel ne faisait plus partie du groupe, et Michel justement m'a contacté en disant, parce que c'est aussi le batteur des Broken Arms, c'est pour ça que je vous en parle, c'est aussi le batteur de Largus, et il dit bah non, Largus là dernièrement on n'a pas pu répéter parce qu'il y avait le Covid, mais sinon moi j'ai pas l'intention de quitter ce groupe là et donc il fait toujours partie du groupe Largus. Donc j'espère qu'un jour ils viendront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel tous ensemble, et qui pourront nous faire découvrir aussi leur travail. Voilà pour les petites informations. On revient avec notre invité d'aujourd'hui, Max De Giovanni. Tout se passe bien, ça va? Super. De ton côté, bon, t'as écouté un peu de musique d'artistes que tu connais pas forcément. Ben ouais, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien aussi. Très agréable. Bon, tu vois, là, j'ai quand même envoyé des groupes qui envoient fort. Hein, donc, le rock FM, tu sais, c'est le rock des années... moi, ça me fait penser à pas mal de groupes dans les années 80 où il y avait ce rock avec des synthés en plus. Ouais. Donc j'aimais bien, avec des voix aériennes aussi. Et puis justement, c'est le style de musique que joue le groupe Prisma. Donc c'est des amis, c'est des gens que je connaissais déjà dans différents groupes, et finalement ils ont quitté des groupes, ils se sont reformés et donc ils se sont tous retrouvés dans ce groupe là et c'est vraiment un plaisir de diffuser à chaque fois leur musique, et donc les voir en concert le 26 février. Voilà, donc on va continuer à parler un petit peu de ton travail. Donc cet album, maintenant c'est bon, je l'ai entre les mains. Hey. Il est là, donc alors cet album-là, beau, effectivement, hein. Ouais, j'avais vu déjà ces plumes là qui se promenaient dans tes petits clips vidéo que tu as fait. Mmh. Dans lequel il y a des grands artistes qui parlent de toi, hein, simplement, et de cet album. Je peux pas les empêcher. Hein. Voilà, il y a qui? Il y a John Lennon. Il y a John Lennon, il y a Freddie Mercury, ouais. Elvis Presley, Amy Winehouse. Ouais, je me suis amusé à les partager aussi. J'ai repris la parole récemment là pour parler de l'album. Pour parler de l'album. Non, on passera un petit extrait, par exemple, on en passera un que j'ai déjà diffusé la semaine dernière. Hein. J'ai passé Freddie Mercury la semaine dernière. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait les gens de Noitol, il y avait Mickey et FX qui étaient là, et ils écoutaient. Ils disent, c'est vraiment Freddie Mercury qui parle. Oui, oui, tout à fait. Bah, il parle de. Bah oui. Bah oui, voilà. Il n'a pas eu le temps de le faire de son vivant, heureusement. Il a la possibilité. C'est ça. Il reste un génie immortel dans le cœur de tout le monde, hein, donc et il n'y a pas que lui, hein, tous les autres artistes, attends que je réfléchisse, bah oui, ils sont tous morts. Tu écoutes que des gens morts, toi? Non, mais c'est en fait j'ai des blagues un peu bizarres parfois, et ça m'amusait beaucoup de détourner des interviews d'artistes décédés, et de conclure chaque je sais pas si tu as fait attention, mais chaque fin d'interview se termine en disant j'aurais tellement aimé écrire cet album à l'époque où j'étais en vie. Voilà, ça m'amuse beaucoup. Il y a peut-être que ça fait rire que moi. Hein. Ouais, mais après il faut prendre ça aussi, parce que finalement c'est des références, ça reste des idoles, ça reste des, je sais pas, il y a des gens qui viennent sur Terre. Ouais, j'ai pris que des gens que j'aime, hein, par contre. Ouais, franchement, des grands artistes, hein, à chaque fois. Et quelque part, ça les fait continuer à les faire vivre aussi un petit peu, donc c'est un petit clin d'œil, voilà. Ouais, c'est il y a ça, et puis je voulais prendre Hervé Villard, mais Hervé Villard est pas mort, donc je suis resté sur des artistes Bon, on va espérer que tu puisses pas le faire pour le prochain album non plus, parce que Hervé, on veut qu'il vive encore très longtemps. Oui, voilà. Oui. Très bien. Donc, on va continuer à découvrir comment tu as fait cet album. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé aussi de gens qui t'ont inspiré. Donc il y a beaucoup d'artistes français. Ouais. Il y avait Bachung, qui c'est qu'il y avait d'autres. Noir Désir, Richelin. Ouais, ouais. Noir Désir, ça a été mon fil rouge. Ouais. Eiffel aussi. Eiffel, ouais. Bah, un groupe qui est peut-être un peu moins connu, mais que nous, on a déjà diffusé pas mal de fois ici dans l'émission d'Amérique. Bah, Eiffel, moi, je les ai découverts grâce à Noir Désir, en fait, parce que Romain Humeau, le chanteur d'Eiffel, avait fait tous les arrangements musicaux du dernier album Noir Désir, Des Visages, Des Figures. Donc c'est comme ça que j'ai découvert son travail et je m'y suis intéressé et Eiffel c'est monstrueux comme groupe. Ouais. C'est super puissant, des très belles paroles et ouais, alors là pour le coup, ouais. Je me défie quelqu'un de me les expliquer, mais parce que c'est très compliqué ces paroles, mais c'est génial, c'est des mélodies qui fonctionnent, c'est, sur scène ils sont impressionnants. Il y a une énergie folle et là je suis Romain Humeau, pareil sur Facebook, et je vois là il tourne tout seul et j'ai regardé un de ses concerts guitare voix, c'est impressionnant, je conseille à tout le monde d'aller découvrir, ceux qui connaissent pas Eiffel, d'aller découvrir leur univers, c'est dingue. Mais comme il y a Luc aussi, groupe de Bordeaux, ouais. Voilà, mais c'est des relèves. Luc, c'était quoi le tube là qu'ils avaient sorti là, que j'adore d'ailleurs. C'est... Alors il y a Soledad, tu as Pense à moi. Il y avait quoi d'autre? Encore une autre. C'était. Ah, je me souviens plus. Qui est repris par un groupe, les Red Daff, qui étaient venus ici, qui le reprennent de temps en temps en concert. Mais le titre, je ne me souviens plus exactement. Mais ça va peut-être me revenir au cours de l'émission. Ouais, ouais. Mais bon, Luc aussi, qui est un très très bon artiste. Non, c'est Luc, c'est super. Et puis après, j'ai beaucoup écouté aussi, je suis un grand fan des Beatles. Voilà, alors je sais qu'il y a le débat Rolling Stone ou Beatles, c'est comme pain au chocolat et chocolatine. Ouais, mais dans l'émission Mavrika, on en a parlé je sais pas combien de fois. Voilà. Je choisis pas entre les deux parce que les deux sont excellents, chacun dans un style différent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils s'appréciaient les uns les autres. Exactement. Finalement, c'est les médias qui les a un peu montés les uns contre les autres, mais finalement, ils apprécient. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Les deux sont excellents, même si les Beatles sont meilleurs. Mais après, il y en avait d'autres. Il y a plein de groupes qui forcément ont marqué une époque. Led Zepp, Black Sabbath, T-Rex. Ouais. Moi c'était ce que j'avais droit d'écouter ça quand j'étais petit. C'était les vinyles de ma mère et donc Hendrix, Led Zepp. Tout ça, c'est ma culture anglo-saxonne musicale. Et Led Zepp, j'écoute toujours ça en boucle. Moi c'est pareil. Moi quand j'ai découvert ce groupe-là, j'ai dit c'est une révolution, c'est quelque chose de formidable. Avant il n'y avait pas ce style-là. Ouais. Et il y a eu des groupes au début des années 70. C'était un peu le début du hard rock. Hein, finalement, petit à petit, il est venu un peu de ces groupes-là. C'est ça. Qui avait une manière différente de jouer, avec des distorsions pas possibles, avec des voix aussi magnifiques. Il faut voir aussi quand même Led Zepp, Deep Purple, tous ces groupes-là. Ouais, c'était incroyable. C'est tous des virtuoses et en plus ils jouaient vraiment différemment de ce qu'on avait écouté jusque-là. Hein. Voilà. Et depuis aujourd'hui, on le dit assez souvent. Aujourd'hui, ça fait partie du rock classique. Mais à l'époque, non, c'était carrément novateur. Mais les plus novateurs, à mon sens, ça reste les Beatles. D'un point de vue technique d'enregistrement, d'harmonie vocale, il y a plein de choses qu'on utilise aujourd'hui et on ignorait, enfin moi je l'ignorais perso, hein, que c'était John Lennon ou Paul McCartney qui avait inventé ça, le D-Ice, le petit appareil sur lequel on branche nos guitares pour jouer en live, c'est McCartney, le flanger, l'effet guitare, c'est Lennon. Voilà, les harmonies vocales, il n'y en avait pas avant, ça chantait tout pareil, c'est là qu'ils ont commencé à mélanger les tierces, les quintes en même temps, ils ont révolutionné, à mon sens, la musique, là où des groupes restaient encore, comme les Led Zepp, etc., détournés et s'appropriaient le blues, le rock'n'roll, etc., ils l'ont modifié, ils l'ont arrangé, ils l'ont mis au goût du jour de l'époque. Je trouve que les Beatles, ils sont allés chercher des choses quand même en dingue, comme sur Lucy in the Sky with Diamond, où la voix de John Lennon, en fait, pardon, pour avoir cette voix-là, ils ont enregistré à un tempo beaucoup plus important et plus accéléré que la version originale. Et après, ils ont remis la bande au tempo du morceau. Ouais, ils ont beaucoup joué avec la technique. Et donc ça a trafiqué. Et ça ne se faisait pas. Et ça, ouais. Comme les 8 pistes, à l'époque il n'y avait que des 4 pistes, et ben, ils ont fait fabriquer les 8 pistes pour pouvoir enregistrer. Et je conseille à tout le monde sur Disney Channel, il n'y a pas que des dessins animés, il y a Get Back, le reportage de Peter Jackson sur les Beatles. Bon, c'est 7 heures d'archives sur le fameux concert donné sur le toit. C'est très long, il y a des longueurs. Mais il y a des instants de magie qui font que ça vaut le coup de se taper les 7 heures. Vraiment, ça je le conseille à tout le monde. D'ailleurs, à propos d'instants magiques, on ne l'a pas encore annoncé, mais il va y avoir des lives ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Pour moi, ça c'est des instants magiques dans l'émission Mavrica. Ah. C'est-à-dire que effectivement, il y a des artistes qui viennent, ils proposent leur album, ils peuvent pas forcément jouer dans les conditions dans lesquelles ils ont enregistré leur album. Donc soit ils font des trucs en acoustique, et donc toi, par contre, ça se prête bien. Une guitare, une voix, et puis voilà, tu peux interpréter des chansons. Ça sera pas exactement la version. Ah, ça sera pas du tout la version. Pas du tout la version de l'album, j'en suis certain. Mais bon, il y a ce côté-là, la présence. Ouais. Tu es là. On fait de la radio à l'ancienne, hein, un peu comme dans les années 50, où il y avait un micro, et tout le monde parlait dedans, quoi. Deux micros, des fois c'était comme ça. Et on enregistrait aussi, on faisait des enregistrements. Il y a des enregistrements qui sont aujourd'hui des standards qui ont été enregistrés dans ces conditions-là. Il n'y avait même pas de multipiste. Ouais. Et justement, à propos des Beatles, j'avais entendu dire aussi que dans une chanson, je ne sais plus laquelle exactement, ils avaient pris une bande, ils avaient enregistré, ils avaient coupé en morceaux, ils avaient recollé de manière à ce que ce soit la cacophonie la plus totale, et trouvaient que c'était pas encore bien, ils avaient recoupé, ils avaient recollé encore, de manière à faire un bruit vraiment particulier. Donc ils étaient vraiment dans la recherche, quoi. Ça m'étonne pas. C'est comme Led Zepp, quand ils ont enregistré l'album sur lequel il y a Stairway to Heaven, ils étaient dans un grand manoir, et il y avait la batterie enregistrée, et le son plaisait pas. Et en fait, le batteur a dit, mais c'est dans le hall que je veux me mettre. Et il a mis la batterie dans le hall, ils ont mis des micros accrochés aux escaliers, aux rambardes, etc. Un bordel pas possible. Et c'est là qu'il y avait la plus belle réverb naturelle. Et toute la batterie de l'album est enregistrée là. Moi, j'adore ces anecdotes. Il y a plein de trucs comme ça dans l'histoire du rock'n'roll. Ouais. Moi, de temps en temps, j'ai des petits bouquins aussi dans lesquels il raconte plein de choses. Et des choses, des fois, c'est des accidents qui ont fait que, il y a eu un pas qui a été franchi et qui a permis aussi de découvrir quelque chose de nouveau que d'autres groupes ont repris après, par la suite et tout ça. Mais à un moment, des fois, c'était un simple accident lors d'un enregistrement, un truc comme ça, qui a fait qu'ils ont sorti un nouveau son, simplement parce que là, par exemple, Led Zeppelin, c'était... Police sur Roxane, le cri au début de Roxane, ou je sais plus si c'est un cri ou un rire, c'est Sting qui se prend les pieds dans un fil, qui se vautre, et ils sont morts de rire, et ils ont gardé ce son pour l'enregistrement. Il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Après, des fois, il faut aussi prendre le temps d'écouter les choses. Des fois, il y a des choses qu'on peut expliquer, d'autres choses qu'on peut pas expliquer. Mais c'est vrai que dans un enregistrement, c'est un instant T. Ouais. Ça s'est passé un moment. Et des fois, il y a aussi, je repense aussi à un morceau de Nirvana qui interprète des chansons sur MTV en direct live. Et à un moment, il y a une fausse note qui est complètement... Ça arrivait avec Nirvana, Mais ils l'ont tiré, ils l'ont glissé. Ouais, et aujourd'hui, quand on écoute le morceau, on est tellement habitué à l'avoir avec cette fausse note que si à la limite ils le faisaient pas, ça dénaturerait le morceau. Et puis c'est bien des fausses notes sur du live. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça bien. Alors Marie, avec qui j'ai le duo Max et Marie, te le confirmerait en disant, quand je parle de fausses notes, tu dirais, ouais, il sait de quoi il parle. Parce que j'en mets, je fais des fois, je suis une vraie boulangerie ambulante. Si on joue pas, on n'en fait pas. Moi, j'en fais jamais des fausses notes. non, mais de fausses notes, on trouve des fois des choses qui sont vachement sympas à faire. On trouve une autre orientation en se trompant, donc faut les accepter. Et c'est vrai que, pour revenir sur l'album, la seule chose que j'ai imposée aux musiciens qui ont enregistré sur cet album, c'est de dire, vous enregistrez, vous faites le morceau entier. J'ai pas envie d'avoir, vous me faites un bout de couplet, puis après on va le copier, on va le machin. Avec la technologie aujourd'hui, on peut faire ça très facilement. Et je leur disais, s'il vous plaît, jouez le morceau de A à Z. On verra ce qu'on garde. Vous faites plusieurs pistes s'il faut, vous avez fait plusieurs prises, on s'en fiche. On verra ce qu'on garde, mais jouez tout, parce que il y a un feeling, il y a des choses qui se passent, et à un moment ils le font, ils le sentent comme ça. Et voilà, c'était une parenthèse en fait. Mais c'est bien, c'est parce que là, ce que tu me dis, c'est quelque chose vraiment, la musique vivante, on l'interprétait de cette manière-là, c'est sûr que quand ils font par exemple une phrase musicale qui est répétée 10 fois, 10 fois elle sera différente. Ouais. Parce que c'est le côté humain. C'est, bien c'est, sûr. Alors que finalement, dans des trucs super peaufinés, ou des fois dans la musique actuelle, où on fait beaucoup de samples, qu'on répète, c'est parfait, etc. Mais quelque part, ça dénature, puisque ça fait un peu robot, ça fait un peu... Ça, c'est surtout l'autotune hein, sur les voix. Ouais, non, moi, je parle juste des répétitions qui sont identiques, strictement identiques. Ouais. Et c'est pareil, quand on parle dans un micro, des fois, on s'éloigne un petit peu. Donc, le son baisse un petit peu, c'est jamais pareil. Et là... La prise est la même, c'est, et on la répète plusieurs fois, 10 fois, 20 fois. Mmh. D'accord, c'est parfait au niveau technique, mais quelque part, ça manque d'humanité, quoi. Ouais. Parce que le côté humain, c'est aussi l'imperfection. Bah oui. Donc, au final, on y revient toujours, hein, voilà. À ce côté humain, partage, sur ces valeurs-là, hein. C'est marrant parce que là je crois que t'as tout résumé de l'émission Mavrika, ça c'est des mots qui viennent assez souvent. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Bon, moi je fais cette émission avec mon cœur. Hein. Moi je suis bénévole dans Radio Arc-en-Ciel, comme la plupart comme tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel. Hein. On est des amateurs et on fait ça par passion. Hein. C'est-à-dire qu'on gagne pas d'argent pour ça, mais on le fait avec notre cœur et à chaque fois c'est vraiment un plaisir de faire chaque émission. Je parle pour moi, mais j'imagine que tous les autres animateurs, quel que soit le style de musique qui le diffuse, pense exactement comme moi. Donc on fait ça, on n'est pas forcé. Il y a des gens, moi je vois par exemple, si on veut faire de la musique, il faudrait, déjà pour faire de la musique, il faut pas se dire, bon je vais gagner de l'argent avec ça. Il faut déjà faire. Alors ça c'est, non faut pas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous appelle et vous avez envie de faire de la musique, toi tu es musicien, voilà t'as ça, et si ça marche tant mieux, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça par passion et simplement ils ont jamais gagné un centime avec. Il y en a même certains qui ça leur coûte cher parce que la musique il y a quand même pas mal de choses, il faut se déplacer. Comme on dit les musiciens, des fois ils pour un petit cachet de quelques dizaines d'euros, ils ont gaspillé 300 en essence avec le matériel, avec la casse, tout ça quoi. Ouais, ça c'est un peu le problème qu'on rencontre quand on joue dans les bars, les choses comme ça où on demande des tarifs et les gens imaginent pas que pour 1h30, 2h de concert, il y a eu X répétitions, il y a tout eu, fait. Ça fait déjà 3 heures qu'on est sur le pied de guerre à avoir chargé le matos, le décharger, le remonter sur scène, faire la balance, faire le concert, tout démonter et tout dans l'autre sens pour repartir. C'est effectivement, ouais, et c'est j'en profite hein, pour être à la radio. Un petit coup de gueule, tiens, allez. Ouais, vas-y. Contre tous les bars qui font des open mic où ils proposent aux musiciens de venir jouer gratuitement, de prendre une guitare, de prendre un micro et de venir chanter et jouer pour animer, pour faire de l'ambiance, ça m'irrisse les poils. Moi, j'ai une cuisine. Je demande pas à un restaurateur de venir chez moi, à plusieurs restaurateurs de venir faire un open cook pour me cuisiner un petit gueuleton pour moi et mes amis, comme ça, pour passer du bon temps, pour se faire connaître. Voilà. Je pense que tout musicien, quel qu'il soit, mérite le respect quand il va dans un endroit, mérite un salaire, mérite un cachet. Voilà. Parce que c'est de l'investissement, c'est du temps, on a tous une vie de famille qui parfois peut en pâtir parce que on n'est pas là le soir, parce qu'on fait des répètes jusqu'à pas d'heure. Voilà, musicien, c'est pas uniquement boire des bières effectivement, il faut faire ça. Pour la passion, pour la musique, parce que si on fait ça que pour l'argent, déjà il faut quand même arriver à un certain niveau. Et puis mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi il faut faire ça avec de passion, mais il faut aussi que ça compense un petit peu toute l'énergie qu'on a gaspillée, le matériel et tout ça. Donc ça demande du temps, ouais, ça demande du temps de l'implication. Si on veut faire les choses bien et proposer quelque chose de correct aux gens qui se déplacent pour venir vous voir, il faut bosser et bosser c'est du temps. Voilà, y en a c'est des génies, ils y arrivent sans bosser et je suis même pas sûr. Je crois que tout le monde travaille. Il faut déjà être doué au départ parce qu'il y en a certains qui peuvent bosser tant qu'ils veulent, ils y arriveront jamais. Mais il faut déjà avoir l'étincelle du départ. Mais après, c'est beaucoup de travail pour réussir à faire. C'est beaucoup de travail, c'est savoir bien s'entourer, avoir des gens de confiance autour de soi. Et là, on en revient encore à l'humain. Il n'y a pas de secret. Et puis, on le dit souvent aussi, les groupes qui durent longtemps, c'est ceux qui s'entendent bien. Quand c'est des potes qui sont ensemble, qui passent un bon moment ensemble, et ben ça, c'est plus. Parce que si on fait que la musique pour la musique, au bout d'un moment, je pense que s'il n'y a rien à côté, il n'y a pas le côté humain, le côté émotion, c'est stérile, quoi. Donc les groupes souvent ils clashent à cause de ça. Ouais. Donc, ouais, ouais. Et les groupes qui ont duré très longtemps, c'est les groupes dans lesquels les gens s'entendent bien, hein, la plupart du temps. Ouais, alors pas tous. pas toujours. Pas tous. Oui, je suis en train de penser aussi. Moi, je pense à Metallica. Il y a un film qui est dispo sur Netflix sur Metallica, où justement c'est tout le suivi thérapeutique qu'ils ont avec un psy qui les accompagne, parce que c'est bazar entre eux, c'est une guerre d'ego. Et c'est. Il y a beaucoup aussi de groupes qui ont clashé à cause de ça, parce qu'il y en a certains qui veulent toujours plus, et puis qui finalement, même certains font des carrières solo, ils laissent tomber les copains, parce que simplement, on leur demande à eux, et puis tu laisses tomber tes copains, et puis tu viens avec nous, et puis nous on te fait un truc. Donc, ouais, mais il y en a certains d'autres qui se disent, à la limite, si j'ai pas la gloire, j'aurai pas la gloire, mais je resterai avec mes potes. Ouais. Après, c'est le côté humain, à chaque groupe, c'est son histoire. Ouais, et puis à chacun, voilà, de prendre le chemin qu'il souhaite, hein, on s'en avait conscience. Ce qui n'empêche pas aussi certains aussi des grands artistes qui ont fait aussi des albums solo et qui sont revenus avec leur groupe et qui font deux projets en même temps. Hein. Bien sûr. Oui. On va continuer à écouter un petit peu de musique. Donc, qu'est-ce qu'on a calé ? Ah bah on n'a rien calé du tout. Ah bah on va le faire justement. Donc on va écouter le morceau qu'on avait déjà présenté tout à l'heure. C'est l'espagnol Le. Ouais, c'est l'espagnol. Alors c'est une chanson. C'est la plus vieille chanson de l'album en fait. Je l'ai écrite, j'avais 13 ans. Voilà, donc il y a 2-3 ans, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, exactement. Et voilà, c'est une chanson notamment que j'ai joué avec Mika, et je lui dis, du coup j'en profite d'être à la radio pour le dire maintenant officiellement, Mika, je lui dis il y a quelques mois, tu verras, il y aura une surprise sur l'album. La surprise, c'est cette chanson où en fait j'ai repris un riff qu'il avait écrit quand on jouait ensemble, quand on arpentait, quand on jouait à sur Orléans avec le groupe qui s'appelait les Sauvages Farfadés à l'époque. Et donc on jouait ce morceau, et il avait écrit un riff, et du coup j'ai eu envie de le reprendre, ce riff. Et donc je l'ai remis, alors pas la version Mika évidemment, hein, c'était un petit clin d'œil que je voulais lui faire. Et puis Mika, il nous fait aussi des petits clins d'œil par l'intermédiaire du Facebook, hein. Vous aussi, vous pouvez laisser des messages. Il nous dit, voilà, si les passages, tu me le dis surtout. Hein. Donc je lui dirai. Hein, je suis sage. Ouais, tu es sage pour l'instant, donc je lui dirai ça. Et puis il a dit, tu as déjà son album ? Je suis jaloux. Ouais, il est toujours jaloux de toute façon. Il est toujours jaloux. Donc on va écouter ce morceau qui s'appelle L'Espagnol. Et c'est notre invité Max de Giovanni. Ouais. Estoy muerto, mi corazón corazón es enamorado, estoy muerto, pero también soy enamorado, estoy muerto, mi corazón es enamorado. Pasan los años, vuelan las almas, y aquel duende loco me vuelve a tu aliento. ¿Qué es lo que yo siento? Que con tus palabras muerdes mi cerebro. Y no importa el mundo porque ya te tengo. Tu lances tes paroles en l'air. sont loin. Demain sonne le tocsin. Voilà, à l'instant, c'était Georgia Pouliquen et Arrigoni avec le morceau « Défends-moi ». Et juste avant, c'était Max de Giovanni avec l'Espagnol. Voilà. Tout à l'heure, je voulais vous dire aussi le programme des prochaines émissions de Mavrica. Donc, le vendredi, on va reprendre tout depuis le départ. Donc, c'était le 14 janvier. On a reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, il y avait Jimo qui était venu nous présenter son album. Et le photographe Pascal Garcia qui avait fait les photos de l'émission. Le vendredi 21 janvier, donc c'était la semaine dernière, on a reçu ici le groupe Neutol de Tours. Aujourd'hui, donc, je viens de vous le dire, donc le 28 janvier, c'est Max de Giovanni qui est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et puis, il va y avoir du live juste après. Le vendredi 4 février, il me semble que c'est le 4, il y aura ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel le groupe Tourne Neuf. Donc la première fois qu'ils viennent dans nos studios, il y a des gens déjà qui étaient déjà venus une première fois, donc on les connaît un peu, certains membres qui faisaient partie d'autres projets, et on sera là pour découvrir donc tout l'univers du groupe Turn Off. Le vendredi 11 février, ça sera le tour de Mourad qui est déjà venu à plusieurs reprises, donc un artiste qui nous fait des lives à chaque fois. Il vient avec sa guitare, il nous interprète des superbes morceaux, et je propose tout à l'heure qu'on écoute justement dans l'émission un des morceaux qu'il avait enregistré dans l'émission numéro 189, si je ne me trompe pas, c'est ça, avec une autre personne. Il était venu avec Fanou et nous avait interprété un morceau de Eiffel, c'est pour ça que j'avais envie de le passer, et ça s'appelle « À tout moment, la rue ». Voilà. Donc Mourad, il sera avec nous le 11 février. Le 25 février, on aura le duo Trip Hop Roraima de la région orléanaise, que j'ai eu l'occasion déjà de voir deux fois en concert, que je ne connais pas encore tout à fait bien. Enfin, il y aura donc de la musique électronique dans les studios de Radio Arc-en-Ciel le 25 février. Voilà pour les dates. Et après, il y en aura d'autres qui viendront aussi. J'ai déjà des contacts. Il y aura Manu Lorca, je l'ai dit tout à l'heure. Je sais qu'il nous écoute, et il nous écoute à chaque fois dans l'émission. Il nous envoie des petits messages. Puis on remercie encore une fois tous les gens qui nous envoient des petits messages, parce que il y en a pas mal. Et des petits j'aime simplement. Vous mettez un pouce et puis ça nous fait plaisir. On sait que vous êtes là. Et d'ailleurs, tiens, on va faire un petit coucou à tous les gens qui sont là, qui ont laissé. Voilà. Il y en a déjà une quinzaine. Donc il y a Franck, il y a le groupe Barricade, tiens, nos amis de la région de Blois, il me semble, hein, ils sont par là. Philippe Sanfilippo, donc Julie, Francis, du groupe Les Shaking Mets. Il y a Georgia Pouliquen, justement, qu'on vient de diffuser à l'instant. Eric Duval, voilà, qui était venu assez régulièrement dans l'émission Mavrica. Alain Tessier, le fameux photographe, une personne qui est passionnée par la musique. Bruno Boucher, qui était notre invité il y a quelques semaines. Aurélie, qui était là la semaine dernière. Arnaud, qui était venu aussi avec son groupe il y a quelques temps. David McLean, Christian Morin, Christina, Christophe, Marie aussi, voilà. Donc, j'ai une demande d'amis, donc on va confirmer l'invitation, et je pense que tu la connais. Attends, je mets ton micro. ouais, effectivement. T'es sûr de vouloir valider cette invitation? moi, j'accepte. Après, on verra bien. On l'embrasse. Non, c'est vrai que bon, effectivement, vous pouvez me demander en ami, hein, si vous appréciez l'émission et que vous avez envie de suivre un petit peu l'actualité. Le fait d'être ami sur Facebook, ça permet quand même d'avoir pas mal d'échanges. Et puis de temps en temps aussi sur le fil d'actualité. Tiens, un truc dans l'émission Mavrica, tiens, un tel artiste, je viens m'y intéresser. Ou alors, ça me plaît moins bien. Je préférerais écouter la semaine suivante, etc. Donc il y en a pour tous les goûts dans l'émission Mavrika. Il n'y a pas deux émissions pareilles, elles n'ont pas toutes la même couleur. Voilà, donc voilà pour tout ce que j'avais à dire. Et puis là, on va arriver au moment magique. Hein. Moi, je vois ça comme ça. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est un superbe moment dans l'émission Mavrika, c'est quand il y a du live. Alors aujourd'hui, je veux quand même dire pour les groupes qui veulent venir que c'est plus comme à une époque où on était 30 dans les studios et puis on pouvait jouer en faisant beaucoup de bruit avec une batterie et tout ça. Aujourd'hui, ça devient difficile. Déjà, il y a le Covid, je ne peux pas recevoir énormément de personnes. Et en plus, les voisins, ils veulent plus de batterie du tout. Donc quand vous jouez, c'est en acoustique. Donc ce soir, il y aura une petite session acoustique avec Max qui est là présent. Donc pour les groupes qui viendront dans le futur, bah, il faut savoir qu'on ne peut pas jouer en électrique avec des gros amplis et on ne peut pas non plus jouer avec une batterie. Voilà, c'est juste pour prévoir. Donc tu vas nous interpréter des morceaux en direct live ? Allez, on en fait un. Un d'abord ? Ouais. Alors ce que je voulais aussi remercier, voilà, il ne faut pas oublier, c'est Florent qui enregistre tous les podcasts de l'émission Mavrika. Donc dès qu'ils seront prêts, il y a donc le podcast sur une page particulière. Je mettrai le lien sur le Facebook. Et maintenant, depuis la semaine dernière, aussi sur YouTube. Donc les lives qui sont enregistrés ce soir, ben nous on les garde parce qu'on les rediffusera peut-être dans d'autres émissions. Peut-être quand tu reviendras dans un an, on dit tiens, je vais te passer le morceau que tu avais fait. Et des fois, ça m'arrive de le faire. Et donc, on remercie justement notre ami Florent qui se donne beaucoup de mal et qui fait tout ce travail pour tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que l'émission, si vous ne l'avez pas entendue, vous pourrez la réécouter quand même en podcast. Max, ben, je vais te laisser l'antenne. Hein, l'antenne est à toi, 96.2 MHz. C'est la fréquence sur Orléans. Et vous pouvez nous écouter aussi partout dans le monde sur radio-arc-en-ciel.fr. Donc, ce qu'on va faire, on va aussi quand même valider la guitare, parce que pour l'instant, on ne l'a pas fait. Essayez de gratouiller un petit peu, voir. Ça va, ça passe, tu l'as bien? Moi, je l'ai. Ouais, c'est bon. Bon, bah, on va baisser la petite musique de fond qui sert à rien. On va couper mon micro, et puis l'antenne est à toi. Merci. C'est parti, le morceau que tu vas interpréter s'appelle? Juste le bruit. Juste le bruit. Pour les voisins. Visage sans aucune couleur, marcher comme une âme en peine, ne plus voir personne depuis des heures, triste montagne, morne plaine, plus de corps contre moi à serrer, manque de chaleur, manque de vous, absence de moments à partager, plus de toi, plus de vous, de nous, juste le bruit étourdissant du silence, en écho à ma peine, à mes peurs, et mes pleurs qui résonnent en latence, sur le rythme ralenti de mon cœur. Juste le bruit étourdissant du silence, en écho à ma peine, à mes peurs, et mes pleurs qui résonnent en latence, sur le rythme ralenti de mon cœur. La sensation de mes mains qui tremblent, froid de pouvoir rien agripper. Plus rien à voir à faire ensemble, dans un monde vierge d'humanité. Omniprésence de ma solitude, ma seule alliée qui guide mes pas. Perte de repères, manque d'habitude, désert immense autour de moi. Juste le bruit étourdissant du silence, en écho à ma peine, à mes peurs, et mes pleurs qui résonnent en latence, sur le rythme ralenti de mon cœur. Juste le bruit étourdissant du silence, en écho à ma peine, à mes peurs, et mes pleurs qui résonnent en latence, sur le rythme ralenti de mon cœur. Et mes pleurs qui résonnent en latence, sur le rythme ralenti de mon cœur. Juste bruit étourdissant du silence, en écho à ma peine, à mes peurs. Et mes pleurs qui résonnent en latence, sur le rythme ralenti de mon cœur. Bravo, jusqu'à la dernière note dans l'émission Mavrika, en direct live, un morceau interprété, sans filet, hein. Ouais. Guitare, voix, tout est là. Finalement, l'émotion est passée. Super. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette interprétation. Alors, le morceau s'appelle, tu vas me le rappeler, parce que... Juste le bruit. Juste le bruit. Voilà. J'avais peur de me tromper. Donc, juste le bruit. Donc, c'est le morceau qu'on vient d'écouter. C'est un morceau qui est dans cet album, donc, qui s'appelle Le Fou. Ouais, c'est le morceau qui ouvre l'album. D'accord. C'est un morceau, vous pouvez retrouver le clip sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Max DeGiovanni, faut pas hésiter à aller liker pour suivre un petit peu ce qui se passe, et on retrouve le clip sur la page. Très bien. Là, j'ai sorti le livret de l'album et je suis en train de feuilleter. Donc effectivement, donc il y a plein d'illustrations. Il y a les textes, donc ça c'est important aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on peut écouter la musique, des fois on croit comprendre quelque chose, et là on a les textes, donc on comprend directement, on lit les choses, donc moi je vais prendre le temps de le faire, hein, je mettrai mes lunettes pour le faire, et j'écouterai ton album comme je le fais régulièrement. C'est vrai qu'à chaque fois que je pars de l'émission avec un album, souvent le samedi ou le dimanche, je le mets sur ma chaîne, je me pose et souvent je feuillette justement. Et on peut voir aussi toutes les illustrations qui ont été faites par ta maman. Ouais, c'est ça. D'accord, super. Bravo, c'est une artiste, elle expose, elle. Plus maintenant. Non. Après, c'est des vieux tableaux, des vieilles œuvres qu'on a choisi ensemble, qu'on a récupéré. La pochette de l'album, pour la petite histoire, c'était elle a fait les Beaux-Arts à Toulouse, et dans les années 70, la ville de Toulouse avait organisé une sorte de concours, et le thème c'était la chute d'Icare. Voilà. Et elle a remporté le concours de la ville de Toulouse avec cette œuvre-là, sur la chute d'Icare. Mmh. Je suis en train de regarder, effectivement, mais c'est quelle technique C'est de la gravure. C'est de la gravure, c'est fait comment Alors, en fait, pour faire ça. Il y a deux couleurs, quoi. Il y a un fond et une couleur dessus. Il n'y a pas de couleur. La couleur que tu as, en fait, c'est parce que c'est. Je te dis, ça a 40 ans. Donc, forcément, ça a un peu jauni avec le temps. D'accord. En fait, c'est des plaques de cuivre sur lesquelles elle vient faire ses dessins, ce qu'elle souhaite graver. Ensuite, elle vient avec une pointe faire la gravure avec des traits de différentes profondeurs, et ensuite avec un acide elle vient creuser la plaque de cuivre avec ça, et ensuite elle met de l'encre et elle le passe à la presse. Voilà. Très pour, bien. Pour faire très simple, je pense que si elle écoute, elle va me dire mais pas du tout, fils, t'as pas compris, c'est pas exactement ça, mais bon. On voit l'idée. Ouais, moi j'ai vu dernièrement dans une émission, ils expliquaient cette technique-là, et je crois que tu le résumes bien. Donc, apparemment, c'est ce que j'ai compris aussi. Donc, effectivement, c'est une plaque de cuivre. On masque certaines choses. L'acide attaque les parties, il fait les parties creuses, voilà. Et après, met de l'encre sur les parties saillantes. Les parties creuses, elles sont masquées, et voilà, on imprime comme ça. Ouais. Donc, c'est une technique qui marche depuis très très longtemps. Hein, peut-être depuis le début de l'invention de l'imprimerie, C'est ce que j'allais dire. Ouais. Je pense que. Donc, en tout cas, les images sont très très très jolies. Merci. Ça donne un univers. Je trouve que ça va bien avec ton album, avec les morceaux qu'on a écoutés les uns derrière les autres. Voilà. Donc pour les illustrations, super. Et après, tu as d'autres personnes que tu voudrais citer aussi dans la conception de cet album? Ouais, alors il y a Guillaume Navaille, Guy Goug, qui est venu faire quelques basses et qui aujourd'hui m'accompagne sur scène. Il y a Serge Bian qui a fait également des basses, qui est la personne d'Aturi Studio qui a fait le mix et le mastering sur cet album. Il y a Émilie Verdeau, ma compagne, qui m'a fait l'immense plaisir et privilège de venir chanter avec moi, d'accepter de venir chanter avec moi sur deux des morceaux. Et puis ensuite il y a mes filles aussi qu'on retrouve sur un morceau. Et puis voilà. Après il y a un ami Carambito également. Et puis je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'oublie personne, parce que sinon après je vais me faire engueuler. C'est toujours la difficulté quand on commence à citer les gens. Ça. Il faut surtout pas en oublier. C'est exactement ça. Donc je vais juste citer Adrien également, qui est le guitariste qui m'accompagne sur scène, qui a rejoint l'aventure une fois l'album terminé, mais qui sera sur le prochain. Et après j'ai une pensée, on en a parlé, pour Marie, avec qui j'ai toujours le duo Max et Marie, on continue à tourner. Je garde espoir qu'un jour on travaille sur le deuxième album. Et voilà. Et puis après, j'ai une pensée en fait pour toutes les personnes qui m'ont accompagné bah, pas que sur cet album-là, mais qui ont fait que j'ai pu le faire aujourd'hui. C'est, on parlait de Mika, mais il y a Ludo, il y a Philippe qui était dans Les Sauvages Farfadés quand on était sur Orléans, ce petit groupe de punk rock de dégénérés mentaux, on faisait du bruit, on embêtait tout le monde, mais c'était super drôle. Voilà, après, c'est l'ambiance, voilà. Et il faut savoir aussi, moi je vais souvent dans les concerts de rock, des choses comme ça, et quand on va dans les trucs de punk, il faut voir l'ambiance qu'il y a là-dedans, quoi. C'est, les gens, ils sont à fond dans la musique. Bah oui. Voilà, il faut, on dit c'est du bruit. Non, c'est, il y a quelque chose quand même, hein. Ouais. Voilà. Non, mais exactement. Et puis, après, je pense que j'ai à peu près fait le tour. On est pas mal. Et puis après, ce sera après penser à, voilà, c'est inviter vraiment tout le monde à venir découvrir mon univers. Aujourd'hui, pour les gens qui sont pas dans le sud-ouest, qui peuvent pas se déplacer pour des lives, c'est voilà, de venir voir sur la page, sur mon site internet également, maxejoanny.fr, de venir voir l'univers, de découvrir tout ça, et puis me faire des retours. Venez, dites-moi tout. Tout est bon à entendre, tout est agréable, et puis si on peut échanger, et puis s'il y a des gens qui ont été sensibles, qui ont été touchés ce soir par ce qu'ils ont entendu, et qui m'appellent, et puis on peut faire des échanges musicaux, ils peuvent venir dans le sud-ouest, on joue ensemble, et puis moi je viens aussi, voilà, on fait des échanges de bons procédés et des belles rencontres. Voilà, je crois que c'est le plus important finalement, c'est toujours le côté humain. Moi c'est ça qui m'intéresse, hein. C'était dans mon cahier des charges au début de l'album de dire je veux m'entourer de gens que j'aime et de gens, voilà, je privilégie l'humain à la qualité ou à la technicité de la personne. Il s'avère que j'ai la chance d'avoir eu les deux. Ça aurait pu ne pas être le cas. Là, ça l'a été. Mais c'était vraiment le mot d'ordre. Je voulais faire égoïstement, je voulais me faire plaisir en fait. Je voulais que ce soit une belle aventure et pas que ce soit une guerre d'ego, une guerre d'opinions, d'idées, etc. On n'a pas toujours été d'accord, mais on se l'est dit intelligemment, gentiment, on a trouvé des compromis, et puis à la fin, c'est moi qui avais le dernier mot. De toute façon, c'est mon projet. c'est ton projet, c'est toi qui commande. Voilà, c'est une démocratie, mais bon, il y a quand même quelqu'un qui commande, hein. Ah oui. Très bien. On a parlé de cet album, donc qui sort le mercredi prochain, donc le 2 février, à partir de 9h du matin. Ouais. On va le rappeler. Non, mais c'est pas une blague en plus, hein. C'est pas une blague. Non. Enfin, si vous avez l'occasion d'y aller qu'à midi, ça sera toujours temps. Hein. Vous avez toute la journée pour y aller. Ouais, mais pas plus tard. Hein. Pas plus tard. Il faut pas non plus exagérer. Donc voilà, l'album sort vraiment. Moi, j'ai la chance de l'avoir en avant-première, donc je l'ai ici. Je sais que ça fait des jaloux sur Orléans. Et ailleurs. Je sais aussi que tu nous as parlé aussi de. On va parler des projets maintenant. Donc la sortie déjà de l'album, tu vas le défendre. Et est-ce qu'il va y avoir des concerts? Ouais, il y en a d'ores et déjà prévu le 5 mars, donc à La Benne dans les Landes, qui va être un. Je pense qu'on essaie de voir les choses en grand. Ça va être un beau concert. On soigne vraiment l'aspect scénique, le visuel. Ça, c'est important aussi, on pense. Donc ça va être une belle soirée. En plus, pour ceux qui écoutent, qui sont dans le sud-ouest et qui écoutent l'émission, il y aura de la bière, donc n'hésitez pas. En plus, voilà. Ouais. Et comment ça se passe sur scène? Tu es tout seul ou? Non, je suis accompagné donc d'Olivier à la batterie, Goug à la basse et Adrien à la guitare. Et après, il y aura des guests. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Donc c'est ça. Ensuite, c'est pas encore acté, c'est pas encore finalisé, mais il y aura un showcase pour le magasin Cultura sur une galerie marchande de Bayonne. Très bien. Il y a aussi ça sur Orléans. Ouais. Régulièrement, il y a des artistes que je reçois qui jouent aussi justement dans ces magasins-là. Ouais, c'est vraiment bien. Les magasins qui en France font la promotion et permettent de faire jouer des jeunes artistes. Ça, c'est vraiment bien. Ils jouent le jeu et ils sont très ouverts et faciles d'accès. Et ça fait plaisir aussi d'aller dans ces magasins-là et de voir qu'ils distribuent aussi les albums. Donc on regarde les albums. Tiens, les gens de la région. Tiens, les gens d'un peu plus loin. Ah, c'est ça, je me demande à côté de quel artiste je vais être mis à D comme D. Giovanni. Alors j'ai pensé Demis Roussos, mais en fait c'est à R, donc j'aurais pas être à côté. Je sais pas encore à côté de qui je vais être. Dionysos, ça serait pas mal, ça claquerait à côté de Dionysos quand même. Bah oui, pourquoi pas. Dépêche Mode. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Voilà des références. Là, ouais, c'est pas mal. Hein. Choses, les Beatles aussi, c'est vachement bien. Les Beatles, les Dolling Stones. Les Dolling Stones, enfin ça va être vachement bien. Doir Désir. Justement, il y a des concerts, ouais. Peut-être un concert sur la région orléanaise, où c'est pas prévu encore pour l'instant, mais peut-être que des gens vont nous écouter. Ceci est une alerte enlèvement. Oui, je lance un appel. Je lance un appel avec plaisir. Si dans la région centre. Il y a des festivals, des concerts qui sont organisés. Il y a besoin de personnes pour venir animer. Si vous cherchez des saltimbanques, moi je suis là. Ça me fait très plaisir de venir partager mon univers, le jouer ici. Voilà, on se déplace. Hein. La preuve. Mm-hmm. Je suis là. Ouais, la preuve. Ouais. Non, très sérieusement, oui. Ça fait combien de kilomètres de Bayonne? Ça fait 600. 600, hein, ouais. Quand même, hein, c'est pas rien. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris toute cette peine. C'est un vrai plaisir. Et puis effectivement, si y a des gens qui souhaitent organiser quelque chose sur la région, c'est avec grand plaisir qu'ils n'hésitent pas à me contacter et ce sera un immense plaisir de se déplacer et de venir. D'accord, très bien. On a parlé aussi dans les projets de clips vidéo. Alors je sais qu'il y en a déjà. Oui, il y en a deux. Il y en a déjà deux. Ouais. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? La réflexion est en cours. Effectivement, je pense qu'il va y en avoir un autre. C'est pour savoir sur quel morceau je vais le faire. Mais il va y en avoir. Ouais. Parce qu'on rappelle qu'il y a 14 morceaux, donc il y aura 14 clips. Non. Non. Je plaisante. Parce que là, ça s'appelle une trilogie, c'est Le Seigneur des Anneaux, c'est pas du tout mon registre. Non, il y aura pas de, je vais en faire un ou deux de plus, parce qu'aujourd'hui on sait que le visuel est important. Mm-hmm. Mais je pense pas qu'il y en aura beaucoup plus. Je préfère dépenser mon énergie à faire du live, à trouver des concerts, des festivals, des premières parties. Que de penser à la communication via les réseaux sociaux. Je vais faire du clip parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup travailler l'image. C'est les clips que t'as vu, c'est moi qui les ai faits. Ah d'accord. C'était la question que j'allais te poser. Ouais. Comment tu les as réalisés? Donc c'est toi qui as fait le scénario, c'est toi qui en famille. Le premier pour Terreur Nocturne, c'est Olivier donc Quesada, le batteur et l'arrangeur de l'album. Qui est derrière la caméra. J'avais écrit le scénario avec Émilie, ma compagne. Et pour le deuxième clip, le clip de Juste le bruit, alors là c'est juste avec Émilie, on est parti dans le désert des Bardenas en Espagne, qui est un désert absolument somptueux, on se croirait. D'accord, c'est où ça? En plein Far West. Ah, c'est à 2h30 de Bayonne, c'est pas loin, je veux pas dire de bêtises, je sais plus le nom de la ville, donc je vais pas le dire, c'est un peu après Pamplune. D'accord. Et c'est quand même la partie nord. Parce que il y a beaucoup de westerns qui ont été tournés dans Bardenas, justement. Là, et aussi vers le sud, je sais que vers Cáceres, etc. Oui, également. Il y a aussi des montagnes qui ressemblent beaucoup aux montagnes américaines. Donc, ils ont les Italiens venaient tourner là, justement, à une époque aussi. Ouais. Donc, je sais qu'il y a des endroits d'Espagne qui ressemblent effectivement au Far West. Là, c'est assez incroyable, c'est magnifique, c'est vraiment somptueux comme lieu. Et on est parti et on a tourné là-bas avec des idées de plans, d'images qu'on avait en tête. Et puis on a tourné toute une journée. Ça nous a pris une bonne journée de prise, avec beaucoup de prises. Et puis ensuite, je m'occupe de faire le montage, le traitement de l'image, etc. C'est passionnant, c'est un autre registre. Mais je crois que c'est l'avantage quand on fait un album en autoproduit, on apprend beaucoup de choses pour l'album, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur le montage vidéo, sur la communication, sur un site internet. Le site internet, c'est moi qui me le suis fait. Donc c'est passionnant, c'est génial. D'accord. Alors là, je suis en train de chercher en même temps que je t'écoute. Je suis en train de chercher quelque chose que j'avais diffusé la semaine dernière. Voilà, je l'ai trouvé. Donc je propose qu'on écoute ça tout de suite. Et puis après, tu nous feras aussi un deuxième live. Il y en a un deuxième qui est prévu aussi. Allez. Alors déjà, le petit truc, c'était une surprise. C'est quelque chose qu'on a déjà diffusé la semaine dernière. Écoute bien. Cet album est tout ce que j'aime. Une mise à nu de l'artiste durant 14 titres. Mes chats et moi, nous le passons en boucle. Je ne comprendrai pas que cet album ne soit pas disque d'or le jour de sa sortie, le 2 février 2022. J'aurais tellement aimé l'écrire à l'époque où j'étais en vie. Donc effectivement, c'était Freddie Mercury qui parlait de la sortie de ton album, hein, c'est ça, hein. Ouais, je lui avais demandé d'être moins dithyrambique dans ses propos. Mais bon, effectivement, s'il peut être disque d'or à la sortie, il sort à 9h, à midi on vise le disque d'or et disque de platine à 20h. Ok, tout à l'heure aussi je t'avais présenté un titre, c'était un titre de Eiffel qui avait été interprété dans l'émission numéro 189, donc ça date, ça fait déjà pas mal d'années, mais on enregistre tout dans l'émission Mavrica, on garde, moi j'ai regardé la dernière fois, j'ai à peu près 5 teras de disques durs. Pas mal. Rien qu'en émission, Mavrica, avec les photos, les vidéos, tout ce qu'on avait fait pendant une époque, les enregistrements, les podcasts, plein de choses. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que si on devait réécouter tout ça à la suite, je sais pas, ça fait des heures et des heures d'émission. Mais, dans ces trucs-là, des fois, on pioche des choses et on retrouve des moments qui ont été enregistrés à un instant T et qui aujourd'hui, nous révèle plein de choses, nous rappelle plein de choses de cette époque-là. Et là, je propose qu'on écoute donc ce moment-là. C'était Mourad qui jouait de la guitare, c'était Fanou qui chantait, si je me souviens bien. Et c'est un morceau de Eiffel qui s'appelle « À tout moment, la rue ». Et puis juste après, tu interpréteras un morceau en direct live. Hein. On fait comme ça, c'est parti. Ah bah non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Bon. C'est Freddy. Ouais, c'est Freddy. Il en veut. Hein. À chacun de nos souffles, au moindre murmure des bas-fonds, c'est en l'air comme un chant qui s'étrangle, que d'un pavé de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment, la rue peut aussi dire non. À tout moment, la rue peut aussi dire non. C'est un pincement de lèvres et la peur qui perle d'un fond. La faune et la flore à grands rayons. Et l'éclat de nos palpitants dans l'ombre du marteau pilon. C'est aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves et quand le peuple rêve. À tout moment, la rue peut aussi dire. Et si quelques points noirs en colle blanc boivent nos yeux, d'ondes occultes en tubes longs et creux. À bien compter le monde et X fois plus nombreux que ces 300 familles qui sur la rue ont pignon. À tout moment, elle peut aussi dire non. Non comme un oui aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie. Quand la nuit remue, c'est aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves. Et quand le peuple à toutes ces nids qui nous lient, et même si elles ont trop bu, c'est aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves. Et quand le peuple crève, à tout moment la rue peut aussi dire. À chacun de nos souffles, au moindre murmure des bas-fonds, c'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle. Que d'un pavé de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment, la rue peut aussi dire non. À tout moment, la rue peut aussi dire non. À tout moment, la rue peut aussi dire non. Voilà, un superbe moment. L'émission numéro 189, ça date, hein, ça commence à faire pas mal de temps, sachant qu'aujourd'hui, on est déjà dans la 12e année et qu'on est à l'émission numéro 495. Voilà, on s'approche des 500. Hein. Et puis, en plus, j'avais oublié quelqu'un. C'est vrai que les enregistrements, finalement, c'est un peu comme une photo, c'est un instantané. Et je vous avais présenté Fanou et Mourad dans cette interprétation donc de Eiffel, à tout moment, la rue. Et il y avait aussi Monsieur François Vess, hein, qu'on a écouté avec l'harmonica derrière. Donc, effectivement, il y avait trois personnes différentes qui se retrouvent sur le même morceau. Et ça me fait vraiment plaisir de réécouter ce petit morceau-là. Donc, si ces trois artistes-là m'entendent, s'ils ont envie de revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ce sera avec beaucoup de plaisir, en tout cas. Parce que, franchement, ça, c'est une pépite, hein. Pour moi, c'est un moment magique enregistré, donc, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On va revenir aujourd'hui, donc on est le combien ? On est le 28, hein, le 28 février 2022, et une autre pépite va se faire dans quelques instants, puisque c'est une interprétation en direct live de Max de Giovanni, qui va nous interpréter un morceau maintenant qui s'appelle Une dernière fois. Une dernière fois ? Ouais. Mais ça sera pas la dernière. Non. Une dernière avant les rappels, non ? Ouais. Très bien. Donc et ah oui, j'ai aussi des propositions. Donc il y a Mika qui dit bah justement pourquoi pas faire un co-plateau avec Max et Some More Chains. Ben génial, Mika organise. Ouais, ça serait super. Bah ouais, grave. Ouais. Bah ouais, voilà. Super génial en tout cas. On va te laisser la parole. J'ai baissé la musique de fond parce qu'on n'a pas besoin. Je vais baisser mon micro aussi parce que je chante pas. Du mieux pas. Hein. Bah pourquoi ? Bah c'est assez humide, ça s'est radouci un petit peu, d'accord, mais il faudrait pas qu'il pleuve de trop non plus. Hein. Donc je vais te laisser la parole, donc à toi et à ta guitare. Je remets la guitare, voilà, j'avais baissé maintenant. Voilà, tu l'entends bien, c'est bon. Je vais baisser un petit peu aussi ton potentiomètre parce que entre le moment où tu parles et celui où tu chantes, bah ça envoie pas pareil. Donc je baisse un petit peu. J'avais pris mes repères, donc cette fois-ci ça devrait y aller. Et je te laisse donc les ondes de Radio Arc-en-Ciel pour t'exprimer. Merci. Caché pour pleurer. voudrais me perdre au milieu des pins, m'y perdre pour voir tout, oublier, marcher seul dans ces sentiers sans fin, dans la pénombre, me cacher pour pleurer. Je suis seul au lieu de tout ça, allongé dans ce lit, m'imposer sur mon torse, dans cette antagonie, des fleurs fanées posées là, sans honneur, sans personne et sans force. Les néons clignotants qui m'aveuglent, mes rêves communiquent comme unique compagnon. Pas de Dieu à prier, dernière main dans ma gueule, la solitude comme dernière sensation. Je voudrais la revoir une dernière fois, entendre le murmure de ses vagues, repenser à toi, à ma mère, la douceur de sa main dans la mienne. Bravo, bah franchement, merci. Un grand moment d'émotion dans l'émission Mavrika. Franchement, quelle interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors là, c'est vraiment fait sans filet. Il n'y a pas d'autotune, il n'y a pas de réverb. C'est le son direct. Voilà, une guitare, une voix. Max de Giovanni en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Merci. Bah bravo, en tout cas, super génial. Donc, c'est cool. Bah, ce morceau-là, franchement, il m'a pris au trip. Là, j'ai trouvé super bon. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Max, pour ton émission, pour avoir participé à cette émission. Alors, on a 3 heures. C'est vrai que 3 heures, ça passe très vite. On arrive bientôt à la dernière demi-heure. Je vais remettre un petit peu ton micro un peu plus fort parce que là, on t'entend beaucoup moins fort. Voilà. Maintenant, on est à peu près équilibré. Ce morceau s'appelait comment déjà? Une dernière fois. Une dernière fois. Donc, je vais marquer les noms. Tout à l'heure, j'en avais aussi oublié un juste avant. C'était Juste le bruit. Juste le bruit. Voilà. Il faut que je marque tout ça parce que je commence à faire un programme et des fois, je m'emmêle un petit peu et j'oublie certains titres. Donc, voilà. Je vais remettre ça à jour. Vous inquiétez pas. Vous aurez les titres sur le Facebook de l'émission. Merci à tous ceux qui nous mettent un petit j'aime. C'est toujours très sympathique. Et puis, voilà. On est ensemble pour passer à des très bons moments. Et franchement, cette émission-là, je l'ai pas vu passer. On a encore plein de choses à faire. Donc, j'ai encore quelques questions à te poser. J'ai encore des morceaux qu'on a qu'on va écouter avant la fin de l'émission. Ouais. Je voulais te demander quelles sont les deux couleurs qui illustreraient le mieux ton univers. Les couleurs, vraiment les couleurs. Hein. Voilà, comme un peintre. Si tu étais un peintre, quelle couleur tu mettrais dans ton tableau? Quelle période? Période bleu, rose. La première, c'est pas une couleur, c'est une valeur, c'est le noir. Mais nous on accepte ça. Il y a un univers, comme sur la chanson une dernière fois. C'est pas la chanson la plus gaie du monde. Donc c'est assez sombre, mais à la fois le noir et le blanc, parce qu'il y a toujours une note d'espoir, il y a toujours c'est contrasté. C'est le noir et le blanc. Ouais. Voilà, certains disent que c'est pas des couleurs, nous on l'accepte hein, depuis le début de l'émission d'Arica. Le noir revient assez souvent, c'est quand même aussi la couleur du rock'n'roll, hein. Donc les blousons noirs, etc. Et là, donc les deux opposés, donc le yin et le yang, peut-être. Ouais, aussi. C'est ouais. Ça. C'est le fou, tout simplement. Ouais, le fou, le fou. Et en plus, bon, ça comporte. Je vois aussi les images de ton album qui sont en deux couleurs aussi. Ouais. Bon, c'est pas le noir et le blanc, mais presque. Ouais, parce qu'il y a quand même, il y a quand même une petite nuance qui vient du papier, quoi. Ouais. Mais finalement, c'est un peu ça aussi. Donc, ouais, ça résume bien. Et puis peut-être la photo noir et blanc aussi peut-être non ou t'as remarqué que je mettais quasiment que des photos noir et blanc sur j'ai sur pas remarqué mais maintenant que tu me l'as dit effectivement c'est là que ça m'a déclenché un petit déclic mais c'est vrai que le noir et blanc c'est beau et puis c'est plus flatteur il y a plein de manières de le travailler aussi on peut jouer beaucoup sur les contrastes sur les nuances de gris ou alors carrément jouer sur les contrastes et puis faire du noir et du blanc et après il y a tous les trucs entre les deux quoi toutes les possibilités quoi. Très bien. Donc le noir et le blanc, c'est les deux couleurs qu'on retient. Voilà, très bien, c'est noté. Il y a aussi dans ta carrière d'artiste, ça fait combien de temps que tu es artiste vraiment, que tu te considères comme Je suis pas fan du mot artiste. Je me considère pas comme un artiste, mais on est tous des artistes. Il faut quand même le dire. Alors on va dire ça. Chacun son niveau. Hein. Donc la question, c'est exactement, dis-moi, ça me laisse réfléchir. Alors, je faisais ça en cours. Je faisais quel est la le plus grand délire artistique que tu aies réalisé ou que tu aimerais réaliser dans les prochaines années? Alors, ce que j'aimerais réaliser, c'est mon rêve. Alors, je vais me confier. Oh là là, ça va être la minute sentimentale. On va tout savoir. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'avais encore ma grand-mère et elle habitait à Pau. Une superbe ville. Et donc, à chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait, prends ta guitare, Maxime, s'il te plaît, prends ta guitare. Donc, je prenais ma guitare. Bon, fallait que je joue la balade des gens heureux, à chaque fois. Et à l'époque, ça me gonflait. Aujourd'hui, je donnerais cher pour pouvoir le refaire. Mmh. Et un jour, Gérard Lenormand. Ouais, c'est ça. Rappel pour les gens qui connaissent pas, peut-être pas. Et un jour, on passe ensemble devant le Zénith de Pau. Et elle me dit, un jour, tu y joueras. Hein. Et puis, je l'ai regardé, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, je te promets qu'un jour, j'y jouerai au Zénith de Pau. Voilà, j'ai fait cette promesse à ma grand-mère et je vais tout faire pour la tenir, en fait. Parce que les promesses, faut les tenir. Et voilà, donc mon objectif, moi, ma folie ultime, ce sera de pas l'Olympia, pas le Stade de France, j'en ai rien à foutre de tout ça. C'est le Zénith de Pau. Voilà. Le Zénith de Pau. Ouais, très donc bien. Donc, si le Zénith de Pau écoute, voilà, il y a un petit garçon qui a fait une promesse un jour à sa grand-mère et qui veut la tenir. Donc, voilà. Et qui fera de son mieux pour faire le plus grand spectacle possible, quoi. Ouais, mais même une chanson en première partie de n'importe quel artiste, je prends. Voilà, même une balance, je pourrais dire, j'ai joué au Zénith de Pau. C'est voilà. Moi, j'aurais tenu ma promesse. Après, s'ils veulent carrément faire un concert, c'est avec plaisir. Ça sera encore mieux. Ah bah ouais. Bon, en tout cas, on te souhaite que ça se réalise parce que c'est vraiment un grand délire. C'est quelque chose. Bon, c'est une promesse en plus. Ouais. Et c'est avec une personne qui te voilà, qui t'a beaucoup touché, et qu'on le sent en faisant comme ça. Ouais, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur. Ouais, pour qui qu'on retrouve sans le savoir, et je dirais pas dans lesquelles, mais il y a des chansons qui parlent d'elle, qui ont été écrites à partir du moment où il nous a quittés, donc, où après j'ai camouflé pour pas que ça se sache, mais voilà, donc oui, elle est toujours là, et voilà, c'est, je me suis fixé ça comme objectif, donc, voilà. Il n'y a pas de raison qu'un jour j'y arrive pas. Ouais, bah tout à fait. Il n'y a pas de raison. Et pour être plus gay, en plus gros délire passé, je pense que il y en a deux. Il y en a deux. Ça a été un concert à Brico des Pots-Saran. D'accord. Avec Mika justement, où on l'a fait du gros rock pour les clients pendant la fête de la musique. On a mis un sacré bordel et ça c'était vraiment marrant. Et ensuite, ça a été avec Marie, un concert qu'on avait fait pendant les fêtes de Bayonne. On avait décidé de prendre le parti de pas aller aux fêtes de Bayonne, mais de faire des concerts un peu plus haut dans les Landes pour les gens qui pouvaient pas y aller. Et en fait, on a tous les potes qui, après être allés eux aux fêtes de Bayonne, sont arrivés bien, dans un drôle d'état, j'imagine, qui sont arrivés. Et donc, ça finit tout le monde sur scène avec un sacré bordel. Et ouais, les fêtes de Bayonne, c'est au mois d'août, hein, c'est ça? Juillet. C'est le dernier mercredi de juillet. Ouais, je sais que c'était entre les deux. J'avais une chance sur deux. Je me suis planté. Mais effectivement, moi, je suis déjà passé à ce moment-là. Effectivement, on voit tous les gens habillés en blanc et en rouge. Et c'est la grosse fiesta, hein. Il y en a qui sont dans des drôles d'état aussi, comme tu dis. Sûrement, je sais pas, je m'en rappelle pas. Mais bon, c'est la fête. Ouais, c'est la fête. Ouais, ça manque énormément cette année, on va pouvoir refaire ça, donc ça va être chouette. Ouais, effectivement, avec le Covid, il y a eu plein de choses qui se sont pas faites. Et comme on disait la semaine dernière aussi, voilà, nous, depuis qu'il y a les restrictions, le Covid, les confinements, on dit, les concerts aujourd'hui, on peut pas les faire dans les bonnes conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, il y avait aussi des gens qui faisaient des concerts et puis des fois, ils faisaient des concerts, il y avait pas grand monde qui venait. Mmh. Donc aujourd'hui, on dit ouais, il y a plus de concerts, on s'ennuie et tout ça. Ouais, mais quand ça va revenir à la normale, quand les gens vont se donner du mal à faire des concerts, allez au concert, allez voir les artistes en direct live. Ça, c'est quelque chose de vachement important, quoi. Ouais, et puis ça, enfin, je sais, j'en parlais la semaine dernière avec des amis musiciens. Ça manque en France, on n'a pas cette culture comme ils ont en Angleterre, par exemple, où il y a des vrais bars qui sont dédiés à, pas uniquement à des groupes de reprise, mais à des groupes qui font de la composition, qui sont là pour interpréter leurs morceaux, leur musique. Et voilà, je vais souvent à Londres, j'adore cette ville, et dès qu'on va à Londres, il y a le pub, et derrière le pub, il y a une salle de concert. Tu donnes 5 livres, tu rentres, tu bois des bières, tu regardes un groupe que tu n'aurais jamais entendu, jamais vu. Des fois, c'est des révélations, même souvent, parce que c'est ils sont absolument dingues. Et ça, je trouve que ça manque. C'est un peu dommage. Mmh. Ce serait bien que, voilà, s'il y a des gens qui cherchent des idées, qui veulent créer leur boîte ou des choses comme ça, faites des bars, faites des pubs, où il y a de la musique live, mais pas que de la reprise, où l'on peut s'exprimer, et où du coup, quand les gens viennent, ils sont au courant qu'ils viennent pour écouter un artiste, pour voir un concert, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Et ça manque. Enfin, chez nous, je sais pas sur Orléans comment c'est aujourd'hui, parce que j'ai quitté Orléans il y a 10 ans, mais plus même. Mais quand sur Bayonne, voilà, ça, on n'a pas dans notre sud-ouest, on n'a ah ouais, pas moi, ça. J'imaginais que c'était peut-être même plus animé, c'est des bars de plage. Donc c'est des bars où les gens viennent passer un moment convivial entre eux, discuter, pas forcément écouter de la musique. Il y a de la musique, c'est un plus, c'est génial. Ce qui est surtout demandé aux musiciens, c'est de faire des reprises, c'est de faire des choses. Donc c'est génial. Moi je m'éclate à le faire aussi. Hein. Je m'amuse beaucoup dans cet univers-là. On peut faire des propositions aussi différentes des morceaux originaux, mais faire de la compo. Moi aujourd'hui, je me sens pas d'aller jouer mon album dans un bar. Voilà, c'est parce que il y a une ambiance qui doit s'installer sur un concert, je pense, quand on propose son univers, ses morceaux, parce que c'est compliqué, les gens connaissent pas. Donc un morceau, si tu vas jouer un Stone ou un Beatles, de suite ils vont taper des mains, ils sont contents de l'entendre. C'est sûr. Sur une compo, ils connaissent pas, donc c'est beaucoup plus dur à capter, etc. Donc s'ils viennent pas pour ça, en plus. Ouais, mais après ça peut dépendre aussi des endroits. Il y a des endroits qui sont un peu bruyants, où les gens viennent pour discuter tout ça, qui font pas forcément attention aux artistes. Ça c'est un petit peu compliqué. Mais il y a aussi des endroits qui sont un petit peu intimistes, où justement les gens sont à côté de l'artiste, ils le voient. Il y a un échange qui se fait, même s'ils sont pas très nombreux. Des fois dans le bar, il peut y avoir un échange, et les gens sont plus attentifs quand c'est comme ça aussi. Hein. Ouais, donc il y a des endroits, ça dépend. Comme ça. Ouais, il y en a quelques-uns sur Orléans. Ben, si tu veux, je te donnerai quelques adresses aussi. Je peux t'envoyer chez des gens qui sont bien. Parce que y a malheureusement, on avait parlé tout à l'heure, il y a des endroits vers lesquels je n'enverrai jamais les artistes, parce que je sais qu'ils sont pas forcément bien reçus. Hein. Moi, je me souviens, on parlait tout à l'heure de Mandrake. Il m'avait dit, j'ai été joué dans un bar à Orléans. J'ai dû emmener mon sandwich. Hein. Ils m'ont même pas donné à manger, rien du tout. Donc je le dirai pas. Je le dirai pas. Par contre, il y a des endroits où je sais que les gens. Bon, moi, je sais pas les cacher, tout ça. Je c'est pas mon truc. Par contre, je sais que beaucoup d'artistes y vont et ils disent beaucoup de bien. Donc, j'enverrai plus facilement d'autres artistes à cet endroit-là. Ouais, parce que justement, tu sais, on arrive à savoir les choses. Bien quand sûr. Tu es mal reçu une fois, deux fois, trois fois, les artistes n'y vont plus, tout simplement. Moi, j'ai cette chance. J'ai toujours été bien reçu chez nous, dans le Sud-Ouest, enfin sur Bayonne et sa région. On a toujours été. Enfin, j'ai toujours été bien reçu. On a toujours eu plus qu'un sandwich. On a toujours bien mangé, bien bu, et ça c'est. Alors là-dessus, on n'a vraiment pas à se plaindre. Ils ont vraiment cette quand même conscience que on vient apporter une plus-value à leur établissement sur la soirée. Voilà, donc ça c'est bien. Et après, tu parlais des cachets, etc. Juste les groupes qui commencent, les gens qui se lancent, qui vont faire du bar, acceptez pas des petits cachets. Votre travail il mérite un salaire, il mérite un cachet. Et il y a des gens qui sont des intermittents du spectacle, qui eux n'ont que ça pour vivre, et si on accepte des cachets qui sont bas, ben eux derrière ils auront plus de dates parce que les gens comprendront pas qu'ils prennent des cachets plus haut. Donc il faut essayer de faire des choses raisonnables. Faut pas non plus demander comme si on faisait le Stade de France. Hein. Il y a un juste milieu. C'est comme dans tous les métiers. On parle des musiciens, exactement. Mais c'est comme si par exemple un plombier, au lieu de faire un tarif, il bradait complètement les trucs pour avoir des clients. Au bout d'un moment, les autres ils disent attends, mais tu peux pas gagner ta vie comme ça. Ouais, mais je me fais des clients et puis après derrière je ferai ce que je voudrais. Ouais, mais on peut pas. Je crois que la différence avec le plombier, c'est que dans le monde de la musique, il y a beaucoup de gens qui sont amateurs, qui ont des métiers à côté et qui font ça pour le plaisir en fait. C'est génial, ils ont raison qu'ils le fassent. Il faut qu'il y en ait plein, mais par contre du coup ils font pas ça pour l'argent, et donc pour eux ils se disent mais nous on joue c'est pour le plaisir. On n'a pas la légitimité d'aller demander un cachet quand on va jouer. Ça part d'un super bon sentiment, mais attention, parce que à côté de ça il y a des gens qui eux ils ont que ça comme métier, et eux ils demandent un cachet, et derrière entre c'est humain, mais le restaurateur ou le gérant de l'établissement, s'il a le choix entre quelqu'un gratuit et quelqu'un qui va lui demander X euros pour jouer, bah il va vers le gratuit, hein. Bah oui, après c'est ça, voilà, on est tous comme ça. Hein. On est tous comme ça, voilà, c'est moi le plombier qui me fait moins cher la révision de ma chaudière. C'est voilà, c'est Voilà, non, enfin bon, c'est une comparaison, mais oui. Il faut comprendre ça. Et après, il y a aussi, à partir du moment où les gens, par exemple les restaurateurs, les patrons de bars et tout ça, ils gagnent de l'argent finalement en ayant une attraction qui est les musiciens. Forcément, c'est normal de les faire de partager quelque part et de leur donner un cachet. Voilà, bien sûr. Le truc il est là. Logiquement, ils font des soirées qui sont plus rentables que quand ils ont personne. Hein. Bah oui, donc voilà, le truc donc, il est là. Alors il y en a qui le font très bien, donc ouais. Voilà. Heureusement, il y en a c'est beaucoup de des passionnés, des gens. Oui. On en connaît pas mal sur Orléans. D'ailleurs, on les cite assez régulièrement. Voilà, là on va pas le faire, mais bon, effectivement, quand il y a des concerts, nous on peut pas faire de la publicité pour tel ou tel établissement sur Radio Arc-en-Ciel. Par contre, on peut très bien dire voilà, il y a tel groupe qui passe à tel endroit. Ça, on a le droit de le dire. Ça, c'est de l'information. On a le droit de dire tiens. Il y a un concert qui se passe à tel endroit. Et forcément, il y a des endroits qui reviennent assez régulièrement, simplement parce qu'ils se donnent la peine. Et ils se donnent la peine de faire une bonne chose, quoi. Voilà. Donc, c'est normal qu'on les cite. Mais bon, on ne peut pas, après, directement faire la publicité. Voilà, le truc, il est là. Non, mais après, attention, il y a quand même beaucoup respect et joue le jeu. Et c'est voilà, ça se passe très bien. Bah heureusement qu'il y a des gens bien aussi. Et puis après c'est pareil quand des fois moi j'ai vu par exemple à des concerts où les gens ils disent il faut payer tant pour aller voir un tel concert. Je dis mais attendez les gens il faut voir le mal qu'ils se donnent, donc il faut savoir l'organisation, il y a une sono, il y a plein de choses qui rentrent en compte hein, il y a des musiciens à payer, un ingé son à payer, il y a alors pour passer une soirée s'il faut laisser il y a les locaux à payer. Ouais, s'il faut laisser un petit peu d'argent. Bon. La benne, 5 mars, 10 euros l'entrée. Et j'embrasse mon plombier tant que j'y suis. Parce qu'il vient de m'envoyer un message. C'est pas une blague en plus. Bon, la chaudière, elle est morte. Il est venu il y a 2 semaines. Donc il m'a envoyé un message, donc je lui fais un bisou. Très bien. Tu avais amené aussi des morceaux de d'autres artistes. D'autres artistes, hein. Ah. Ouais, des petits qui débutent. Voilà, l'ordinateur s'est éteint donc au moment où on devait l'envoyer. Donc on va continuer à discuter un petit peu le temps de redémarrer. Mettez une pièce. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est bizarre. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Tu veux que je prenne la guitare et que je meuble? Ouais, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais bon, en principe, il devrait redémarrer très vite. Mais le problème, c'est que j'avais déjà tout calé. Donc là, il va falloir que je recale tout à nouveau. Et je me tourne vers l'ordinateur, il s'est arrêté, voilà, tout bêtement. À la limite, on peut poser d'autres questions aussi, hein, voilà. On avait parlé tout à l'heure d'artistes. Est-ce que tu connais des artistes, par exemple, sur Bayonne, que tu aurais envie de citer, des gens avec lesquels tu as fait déjà des scènes, ou même sur Orléans, comme à une époque, tu étais sur Orléans aussi. Donc, tu nous as parlé de Mika, on a parlé aussi des Summer Chance. Est-ce que tu connais d'autres groupes ou... Alors, sur Orléans, non. À part, pour moi, sur Orléans, Orléans égale Summer Chance pour moi. Donc, voilà. Musicalement ça s'arrêtait là pour moi. Je suis grand fan de ce groupe. Sur Bayonne, ouais, il y a Michel Boudria qui vient de sortir son album il y a 2 mois, si je dis pas de bêtises, que je vous invite aussi à découvrir. C'est réalisé également par Olivier Quesada et c'est un univers très folk, folk américain en français également. D'accord. Et je vous invite à aller découvrir son univers. C'est j'aime beaucoup. Et puis pareil, aller sur sa page Facebook, il y a des clips, voilà. Donc et après, ce que je vous disais, t'as aussi Eisenhower Experience dans le Gers, des amis qui font du bluegrass, banjo, dobro, etc. C'est génial, ça des potes. Ouais. Ils sont très drôles, ils sont très bons, très très bons musiciens. Ils sont deux, ils font eux-mêmes leur guitare. Voilà. Eux aussi, je vous invite à aller les découvrir. Ils sont top. Très bien. Voilà, l'ordinateur a redémarré, il le fait très vite en plus, c'est super bien. En plus, ce que j'avais calé est resté calé, donc forcément, il a tout gardé en mémoire. Magnifique. C'est formidable parce qu'il y a des fois ils veulent plus redémarrer. Là, il a redémarré comme il faut. Donc tu nous avais préparé quelques morceaux, on n'aura pas le temps de les écouter tous parce que l'émission passe à une vitesse grand V. Un des morceaux que tu nous as apporté, on va l'écouter tout de suite, c'est un morceau des Beatles. Ouais. Des Beatles. Des Beatles, du coup, ouais, parce qu'ils seront à côté de Dave Giovanni. Ouais, ouais, c'est les Beatles, ouais. J'avais envie de, j'ai pris un morceau de Noir Désir, un morceau des Beatles, un morceau de Rhodes, qui est un artiste que j'adore, qui est un jeune artiste anglo-saxon aussi. Faut absolument découvrir son univers, c'est oufissime. Mais là, quand on a discuté tout à l'heure, j'ai dit ah non, c'est les Beatles, il faut mettre un Beatles. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Oh, bon, on va voir si on a le temps, on passera un deuxième. Hein. Voilà. Allez, mais c'est une question de temps. Ouais, mais bien sûr. De toute façon, on est là jusqu'à minuit. Mais moi, j'ai rien de prévu. T'sais, à une époque, on faisait des émissions très très très longues. Hein. Ouais. On a fait une émission de 8h30 à 4h du matin. Il faut quand même où il y a eu une quarantaine de lives. Hein. C'était. T'as avec... pas dit que pour la 500e, tu battais ce record. C'est pas ce que t'as voilà, dit. Après, il faut que je demande de la permission, effectivement, mais. Ouais, ça c'est un truc à faire. Non, mais je pense qu'on va attendre que le Covid passe et ouais. Tous ces trucs-là. Et la 500e, on la fera un peu plus tard. Les 10 ans, on les a fait pendant le Covid. Donc 10 ans, c'est pareil, 10 ans d'émission et j'étais là, quoi. Donc ouais. C'est un petit peu dommage. On va essayer de faire ça parce que bon, après, il y a aussi l'association Mavrica qui permet de faire aussi des concerts assez régulièrement. Donc on fera peut-être un Mavrica Live un peu spécial. Tu m'appelles? Dès que ça sera prêt. Ouais, on en parlera tout à l'heure si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc on va écouter le morceau qui s'appelle I've Got a Feeling. Ouais. Donc c'est un titre. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait repris ça. C'était qui ça, peut-être, je sais pas. Il est sur l'album Let It Be. J'adore ce morceau. Bah, on va écouter tout de suite alors. Ouais. C'est parti. Bah oui, bah non. Quand je disais qu'il avait bien démarré tout ça, bah oui, impeccable. Mais bon, il fait pas les choses comme il faut. Et là, c'est parti. I've got a feeling deep inside. Oh yeah, oh yeah, that's right. I've got a feeling I can't hide. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the food down. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody had a hard time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the foot down. Oh yeah. Oh yeah. Passé hein, quand même, hein. Au moins deux titres choisis par notre invité Max De Giovanni. Donc, c'était Rod avec Rod, ouais. You. C'est ça, hein. You and Me, ouais. You and Me. Ah bon, il y a juste You qui apparaît sur le truc, mais bon, après c'est bon, je rectifierai parce que moi sur le programme j'ai mis juste You. You and Me. En tout cas, l'atmosphère est super bien. J'ai adoré. Et, hein, et c'est, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, cet album-là qui s'appelle Wish. Tout le long de l'album, en fait, les morceaux s'enchaînent. Ouais. Et tout le long, et c'est ouais. C'est un voyage. Ah, c'est un voyage. C'est planant. C'est une voix incroyable. Ouais, je suis fan de ce type. Bah, tu sais, moi, grâce à l'émission Maverika, je demande souvent aux artistes d'amener des morceaux comme ça. Et des fois, je redécouvre des choses. La semaine dernière, c'était Motley Crue. Tu vois, ouais. Je dis, oh, c'est vrai que c'était oublié dans ma tête. Et puis, je dis, attends, mais c'était bien. J'ai bien aimé le morceau qu'on avait diffusé. Et j'ai réécouté ça à la maison. Tu vois, j'ai remis ça sur YouTube. Tu trouves des albums entiers. Ouais. Hop, j'écoutais. Je dis, purée, ça envoyait bien. Et voilà, ça fait plaisir. Et là, je crois que effectivement, je regarderai Rod. je vais essayer de fouiller un petit peu parce que franchement, l'atmosphère me plaît bien. Les Beatles, bon, ça, non, c'est nul. Hein, et puis c'est tout. C'est la merde. Ouais, ça marchera jamais d'ailleurs. Hein. Non, les Beatles, effectivement. Mais même ce morceau-là, il y a plein de morceaux qu'on diffuse régulièrement. Mais celui-là, peut-être, il a été un petit peu oublié et ça fait vraiment plaisir de le réécouter comme rock. Ça. Il est bien, il est rock dans l'esprit. Ah, il est très très très blues, très et blues. Et ah rock, ouais, il y a le chant, c'est ah ouais, le oui, ce le chant de McCartney, il est incroyable. C'est et c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas forcément les Beatles, il y a certains standards et tout ça qu'on retient, mais il y a aussi des trucs que des fois on a même du mal à croire que c'est eux parce qu'ils font des choses tellement variées d'un ouais. d'un album à un autre. Il y a des albums qui se ressemblent pas du tout. Et ah, ils ont vraiment exploré d'un côté. L'album Revolver, il est incroyable. C'est ouais celui-là, Sergeant Pepper, il est incroyable aussi. Let It Be, on n'en parle pas. Non, mais c'est oui, oui, c'est bon. Ici, beaucoup d'artistes sont venus et les Beatles, ça reste quand même un des groupes qui a le plus influencé les artistes d'aujourd'hui. Hein, il faut quand même le dire. Ils font plus rien d'ailleurs en ce moment. Bah, je crois qu'il y en manque un déjà. Deux même. Oui, oui, en plus. Peut-être oui. Pour ça, ils ont splitté. J'ai même pas réagi sur le coup. Oui, effectivement, les Beatles, il y en a deux déjà qui sont partis. Ouais. Voilà, trop tôt, hein. Mais bon, effectivement. Mais en tout cas, ils nous ont laissé une œuvre qui est phénoménale, quoi, qui reste quand même une référence parmi tous les grands groupes de rock et de pop. Hein, on peut dire ça dans l'ensemble. Très bien, on arrive à la fin de cette émission. Ben, le temps est passé très vite, donc il nous reste quelques minutes. Alors, on a deux morceaux à diffuser de cet album qui s'appelle Le Fou, qu'on peut se procurer où ? Partout. Donc, à partir du 2... Sur les plateformes, à partir du 2. Mercredi 2. Mercredi, sur les plateformes. Mmh. Et ensuite, allez soit sur mon site internet www.maxdejoani.fr ou sur ma page Facebook Max Dejoani. Vous y allez, vous me contactez, et puis moi, je vous l'envoie. D'accord, ben voilà, super bien. En plus, il est vachement bien. Moi, je l'ai là. D'ailleurs, il va falloir que tu me le dédicaces parce que ça, c'est important. Et puis, c'est un album que on va réécouter dans les prochaines émissions. Là, on n'a pas eu le temps d'écouter tous les morceaux. Hein. On en a écouté quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai que beaucoup. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on doit aussi présenter, on doit aussi papoter, on doit aussi passer d'autres artistes. Donc, là, on en a écouté pas mal de morceaux, mais il nous en reste encore plein à découvrir. Donc, celui-là, c'est pareil. Il va tourner sur ma platine, écouter ça sur mes bonnes enceintes, et puis je vais sélectionner certaines chansons. Après, est-ce que tu as une préférence, par exemple, pour les prochains morceaux? Si tu as une chanson qu'il fallait choisir sur cet album, quelle serait-elle? Je dirais Le Regard Fier. Le Regard Fier. Ouais, d'accord. Le Regard Fier et Allez Viens, les deux premières qui ont été diffusées. Mais après, je te laisse choisir. Ouais, à la limite, on pourra passer cela peut-être un peu plus souvent et peut-être un petit peu aussi des autres de temps en temps. Quoi. Exactement. Voilà. Donc c'est un petit peu le but. Tu me feras la surprise. Ouais, bah voilà. Et après, c'est pareil, avec ma sensibilité. Moi, je sais que des artistes, des fois, m'ont laissé des trucs et il y a des morceaux qui sont revenus. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai aimé. Donc, je passe cela. Ils me disent, pourquoi tu passes moins l'autre? Ouais, bah, je passe aussi l'autre, mais c'est vrai qu'il y en a certains avec lesquels j'ai plus accroché. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est côté humain. Hein. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais aborder? Donc, on a parlé de beaucoup de choses. voilà, j'invite vraiment tous les gens à aller sur ma page, liker pour et suivre cette aventure Et puis j'espère pouvoir venir vous rencontrer lors d'un live et partager ces moments avec vous. Et puis te remercier, Albino, pour cette émission. Bah, là, c'est la première. Hein. Donc tu reviens quand tu veux. Tu as le diplôme maintenant. Tu fais partie de la Mavericks Family. J'ai le diplôme. J'en suis super fier. Ça, c'est vrai que je le dis pas toujours dans l'émission. Mais effectivement, à chaque émission, les artistes repartent avec un diplôme à leur nom. Ouais. Et donc signé tout ça. Voilà, c'est vraiment un diplôme. Hein. Ça peut te servir pour trouver du travail ou. Ah mais ça j'en doute pas. Ça peut débloquer de grandes portes. Hein. Ah mais là demain je vais chez Universal et je leur montre. Hein. Bah essaie d'aller à Bercy peut-être. Zénith de Pau. Zénith de Pau. Je sais pas pourquoi de Bercy. Mais Bercy c'est surfait. Oui c'est oui en même temps. Ils y vont tous. Non vraiment. Zénith de Pau. Voilà. Merci beaucoup pour l'accueil. Je me suis régalé. Vraiment. Donc là, on va faire des photos aussi pour avoir des souvenirs. On va discuter encore un petit peu dans l'émission. À la fin de chaque émission, ben moi, je dis des phrases magiques. Alors, c'est toujours les mêmes depuis quelques temps. De temps en temps, ça varie un petit peu. Donc, on va dire les plus importantes, les trois. Donc, une qui est en français. C'est la première. C'était que le rock and roll soit avec vous. Donc on peut mettre ça au sens large. Donc que la musique soit avec vous, c'est quelque chose d'important. La deuxième, elle est en français aussi. C'est une vie sans musique serait une erreur. Je pense que tu te fais d'accord. Oui. On imagine une vie sans musique. C'est comme une vie sans couleur. Ouais, c'est ça. Ouais, putain, c'est beau ça. Je vais le garder pour une chanson. Ouais. Ça, je pense que dans le prochain album, il y aura une chanson qui s'appellera Une vie sans couleur. Et après, la troisième, c'est un message d'espoir. C'est en anglais cette fois-ci. C'est « Everything is gonna be alright ». Voilà, donc on souhaite ça. C'est une citation que disait Franklin Roosevelt à la fin de chaque discours. Il avait l'habitude de dire cette phrase-là. Et je me suis dit, elle a été reprise par Bob Marley, par beaucoup de gens. Il jouait dans Il jouait dans le football américain, c'est football ça américain, ouais. Non, effectivement, c'est ouais, président des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est sympa et ça a été repris par beaucoup d'artistes. Hein. Souvent, les gens, ils citent Bob Marley. Bah, « Everything is gonna be alright ». Je vais pas vous la chanter parce que, bon, on va essayer de ne pas faire pleuvoir demain. Et puis, voilà, donc, on a dit les phrases magiques. Ouais, et moi, j'en rajouterai une, c'est « Faites de vos rêves des projets ». Voilà. Magnifique. Voilà. On la garde. Ouais. Elle est bonne. Elle est bonne, c'est cool. Elle est bonne, on la garde. Très bien. Donc, on va souhaiter aux gens une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end, une très bonne semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le groupe Turn Off, si je me trompe pas. Oui, il me semble bien que c'est Turn Off qui viendront ici. On a juste un petit peu discuté avec eux. J'ai pas encore préparé toute l'émission. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'effectivement, moi, souvent, c'est dans le courant de la semaine que je prépare l'émission du vendredi. Alors, des fois, même le jeudi, je suis encore dessus. Il y a encore des trucs qui sont pas tout à fait prêts. Mais à chaque fois, ça se passe merveilleusement bien. Grâce à cette émission, bah, j'ai rencontré des gens super bien. Et puis aujourd'hui, bah, tu n'échappes pas à la règle. Merci Max d'être venu. Et merci puis donc tu connais le chemin, tu connais la route, tu sais où il faut se garer. Donc il n'y a pas de souci. Je reviendrai. Très bien. Et puis là, j'ai pensé, c'est vrai qu'on aurait pu organiser Mika le faire venir en même temps. Mais bon, à la limite, voilà. On a déjà beaucoup parlé de lui pendant cette émission. N'était pas la sienne. Hein. D'accord. Et puis on remercie. Mais ouais, mais à la limite, ouais, un jour, si tu veux, on préparera un truc avec Mika et on viendra. Ouais, peut-être un petit live même. Mais oui, c'est ça que je pense. Hein. Mais ouais, on ressortira nos vieux morceaux des Sauvages Farfadés qui jouaient à Orléans et à Saran. Très bien, donc on a dépassé un petit peu, on a encore deux morceaux à diffuser, on va les diffuser l'un à la suite de l'autre. Le premier, c'est Terreur Nocturne, voilà. Terreur Nocturne, et le deuxième, c'est La Quête. Ouais, Terreur Nocturne, juste avant de se coucher, c'est parfait. Ouais, bon, en espérant que justement ça va les évacuer un petit sort. Peu. Conjurer le sort. Voilà, merci beaucoup Max, et puis... Merci à Mino. Tu reviens quand tu veux. Merci d'être venu dans cette émission. Merci pour ta gentillesse et bravo pour ton talent. En tout cas, continue comme ça et reviens à nous avec un prochain album très bientôt. Mais pour l'instant, il faut défendre celui-là. Ouais, ça s'appelle Le Fou. C'est gentil, ça me touche. Merci. Thank you. bruits tombent dans mon dos. Je les entends arriver. Or j'étais libre de tout là-haut. Le débarquement peut commencer. Je glisse alors, tentant de fuir. Ne te retourne pas, cours, cours. Pas de panique, évite le pire. Ne te retourne pas, cours toujours. Comme un contraste discrètement, ils apparaissent dans le noir, se laissant planer doucement. Tous leurs parachutes en mouchoir. Je glisse alors, tentant de fuir. Ne retourne pas, cours, cours. Là tu paniques, vas-tu mourir. Ne retourne pas, cours toujours. Les parachutes t'ont recouvert. Tous mes rêves, tous mes espoirs. Les peurs violentes me traînent à terre. Je ferme les yeux, je me noie. Ça y est, je glisse, tentant de fuir. T'étais trop court. Voilà la panique pour te servir. Retourne-toi, voilà le jour. Salvateur venu me sauver. Ces soldats de malheur me raisonner et m'apaiser dans cette bataille avec mes peurs. Je me lève alors si épuisé. Retourne-toi, affronte-les. Tu peux gagner, commande l'assaut. Plus de panique, je veux t'éclairer. La nuit retombe, je les entends. En peur qu'hier je suis prêt. Je me battrai à l'épuisement. Un peu d'aide qu'on me tend d'une main. J'ai couché des soleils pour faire lever des lunes. Le vent comme berceuse, comme oreiller la dune. J'ai traversé les mers, bravé les océans. Sur un radeau de papier, dérivant, vacillant. J'ai gravi des collines, affronté des montagnes. Pour oublier la ville, fuir loin ma campagne. Mais nulle part j'ai trouvé ce qu'en vain je cherchais. Une vie si parfaite sur du papier glacé. Des regrets en bagage là pour me conseiller. Mais nulle part j'ai trouvé ce qu'en vain je cherchais. Une vie si parfaite sur du papier glacé. La quête dérisoire de cet amour manqué. J'ai bras tendus dans ces cratères obscurs. Bras coulés dans la lave, des baisers de brûlure. J'ai chevauché de nuit des fidèles destriers. Les étoiles fascinées me regardaient galoper. J'ai bâti des églises, des temples édifiants. Pour un dieu méprisant, le charme et fait semblant. J'ai couru dans les flaques, fait l'amour à la pluie. Des étreintes mouillées sur mon corps asséché. papier mâché, des regrets sans bagage, rien pour me conseiller. Et nulle part j'ai trouvé ce qu'en vain je cherchais. La vie moins parfaite sur du papier mâché, la quête dérisoire de cet amour manqué. J'ai dévalé des torrents, évitant les rochers, finissant sur les chutes, double loupe se piquer. J'ai hurlé à la nuit, crié à l'infini, mon écho en réponse comme pure ironie. J'ai combattu des tigres, rassommé même un lion, une victoire arrachée, des griffures par millions. J'ai fait briller le vent, subi les ouragans, mais jamais ne cédant, regardez droit devant. Mais nulle part j'ai trouvé ce qu'en vain je cherchais. La vie imparfaite sur du papier froissé, des regrets sans bagage, là pour me conseiller. Mais nulle part j'ai trouvé ce qu'en vain je cherchais. La vie ainsi faite sur du papier brûlé, la quête dérisoire d'un amour inventé. Mais nulle part je l'ai trouvé ce qu'en vain je cherchais. La vie imparfaite sur du papier froissé, la quête dérisoire d'un amour inventé. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.